Écoute, Anthony, c'est moi. Et donc bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour le numéro 37 du podcast du collectionneur. Et mon tweet était très bien. Ton tweet est exceptionnel. Pardon. Et oui, vous vous rendez compte en plus, chers écouteurs, que oui. Les écouteurs, ouais. Exactement, écouteurs. Deux semaines après le précédent, une régularité sans faille. Ah bah là oui, on n'a jamais fait autant régulière. On n'a jamais vu ça. Autant régulière, ça y est, je ne parle plus France. Yavin de Bilouk. Coup de fan story. Bon les amis, j'espère que vous vous êtes bien amusés cette semaine en jeux vidéo et que ce n'est pas terminé. Et ce soir, on va parler de un système, comment dire, qui est surnommé la Rolls-Royce, c'est ça? Oui. Ouais. Exactement. Future is now. Ouais, enfin, ouais. On va parler de la Neo Geo. Par contre, je pose une question. Un jour, est-ce qu'on, étant donné qu'on parle de la Rolls-Royce ce soir, est-ce qu'un jour on parlera de la Lada? La Lada? Bah, on a... je sais pas. On a déjà parlé de la Master System, c'est bon. Je pensais plus à la GX4000, mais bon. Ouais, je m'assois sur votre visage, monsieur Moore. C'était gratuit, allez. C'était dégoût. J'applaudis, désolé. Voilà, et donc ça y est, ça commence déjà par un troll. Bon, cette semaine, on n'a pas. Par contre, on n'a pas Mass News à parler. Il y a peut-être la suite de la Billy Mitchell story. Ah. Le feuilleton qui passionne la Terre entière. Non, mais c'est Santa Barbara ce truc, jamais ça va terminer. C'est... Santa Barbara, alors, c'est dynastie en même temps. Alors c'est marrant, c'est généralement, j'ai remarqué que c'est un peu comme ça dans la vie. C'est généralement, on déteste quelqu'un et après on trouve des excuses pour justifier le pourquoi on déteste ces personnes. Bon, en fait, avec Billy Mitchell, t'as pas besoin de chercher, c'est ça qui est bien. Non, il le fait très bien tout seul, monsieur. Voilà, ça fait partie de ces gens qui n'ont besoin de personne ou de rien. Pour être totalement antipathique et pour passer totalement pour des imbéciles. Bah, il était déjà méchant à l'époque. Puis tu en vieillissant. La boss dit que tu vas voir qu'il a passé le cap au-dessus. Alors. Il a passé les bandes des limites. Il y a, ouais, effectivement. Il y a donc un autre runner qui proposait un challenge, à savoir, voilà. Il disait je donne 1 000 $ de ma poche si vous prouvez qu'il n'a pas triché, Billy Mitchell. Donc c'est de là que ça a commencé. Étape 2, il y a eu une espèce de petite réunion rétro gaming de fans d'arcade où, soi-disant, monsieur Billy Mitchell allait jouer en live et prouver quoi que ce soit. Donc, c'est de là qu'un youtubeur appelé Apollo Legend, qui apparemment était un critique, non pas que de Billy Mitchell, mais des tricheurs en général dans la communauté du speedrun. Alors, juste pour remettre dans le contexte, Apollo Legend est aussi un trou du cul. Mais bref, allez-y. Ouais. Voilà. Donc pour le coup, voilà. Donc pour le coup, mais tu te dis, trou du cul d'un côté, trou du cul de l'autre, ils peuvent s'entendre. Donc de là, je vais dire trou du cul, merci Moa, c'est sympa. Apollo Legend se pointe à cette fameuse réunion Tupperware, on va dire ça comme ça. Donc, il s'est pointé déguisant Billy Mitchell. La photo existe sur Internet. C'est pas spécialement drôle ou quoi que ce soit. OK. Donc, s'il s'est pointé et qu'il a pris une photo, c'est qu'il y a un consentement au moins de la part de Billy Mitchell pour être sur la photo. On est d'accord. Sauf qu'un article de chez nos amis Twin Galaxies, et pour faire un peu de Coluche Info, enfoiré, voilà, merci, Twin Galaxies, enfoiré. Et bien en fait, chez Twin Galaxy, ils disent qu'en fait, Apollo Legend, il s'est pointé en cachette sans être invité à cette réunion Tupperware et qu'il serait poursuivi en justice par Billy Mitchell. Donc voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Le fameux Apollo Legend a disparu de la circulation. Mais voilà, le feuilleton et le shitstorm continuent. Ouf, il n'est pas prêt de s'arrêter. Ah oui, avec Billy Mitchell, je pense que... Oula. Non, en plus, ça le remet sur les feux des projecteurs et lui, il aime ça. Donc... Oui, voilà, oui. Narcissisme absent par aussi. Ah oui, c'est, oui. Voilà, donc, alors, ça dérange pas. J'ai appris aussi un truc cette semaine. Cartoon Network avait fait dans l'un de leurs dessins animés une parodie de Billy Mitchell. Billy Mitchell avait poursuivi Cartoon Network et a perdu en justice. Donc, vous, quel dessin animé, ça m'intéresse. Je me souviens plus. Bah, t'inquiète pas, je vais essayer de te retrouver ça après. Non, parce que j'aimerais bien voir. C'était, pour le coup, la parodie était très drôle. Je l'avais vu, mais enfin bref. Bon, voilà. Il me semble que c'est Cartoon Network, ou c'est Cartoon Network, ou c'est Nickelodeon. Enfin bref. C'est l'un des deux. Donc voilà, Billy Mitchell, bah, il continue. Mais on est totalement dans le... Il faut qu'on parle de moi, même si on parle de moi en mal, je veux qu'on parle de moi. Quoi. Oui, c'est totalement. Totalement. Ah, mais lui, il aime ça, hein, de toute façon. Exactement, c'est vrai. Donc, voilà. c'est un peu ce que font certains youtubeurs aujourd'hui pour exister. Hein. C'est... Oui, mais plein de gens font ça pour exister. Pas forcément que des youtubeurs, malheureusement. Et c'est je n'ai rien à proposer, bon, allez. Ah, Fury nous a mis un lien. Oui, il me semble que c'est ça. Merci. C'est ça. Ça remonte à quelques années. Voilà, c'est chaud. Cartoon Network, j'avais bien raison, c'est ça. C'est régulier chaud. Ah, d'accord. Okay. Moi, j'aime bien ce dessin, il me fait beaucoup rire. Mais voilà, donc je suis tombé dessus il y a quelques jours. Ça m'a énormément fait rire. Donc voilà, c'est Billy Mitchell. Voilà. Ah, cool. Bah, et pour info, il y a du drama en interne chez Twin Galaxies. Il y a plusieurs anciens du site qui se sont barrés. Il y a même un détenteur de plusieurs records qui a demandé publiquement à ce que Twin Galaxies supprime ses scores, étant donné qu'il n'a absolument pas confiance au site. Enfin bref. Non, mais après, on ne sait pas s'ils vont survivre avec ça. Parce que là, ils sont en train de perdre de tous les côtés. Hein. Pour info, le plus gros contributeur du site, c'est Billy Mitchell. Non, mais c'est vrai, je l'assure, je pense que c'est vrai. Dans ce truc. Alors, pour info, si vous voulez lire l'article sur Twin Galaxies, sur la fameuse soi-disant poursuite en justice, j'espère que vous allez pouvoir conserver votre santé mentale ou alors ne pas cracher de l'eau sur votre clavier tellement vous allez rire. Comment dire ? Il y a des articles, des fois, on lit dans la presse qui sont totalement à charge ou à décharge. Là, c'est putain, c'est un truc de fou. C'est la sbirification, elle est en marche, tout à fait. Twin Galaxies, bon, enfin bref, passons. L'autre grande nouvelle, bon, c'est pas franchement rétro, mais j'avais envie d'en parler, je pense que vous avez envie d'en parler de la semaine, c'est donc le rachat de l'intégralité des parts de Vivendi, oui, d'Ubisoft par Ubisoft, afin que Vivendi sorte du capital. Et que l'histoire donc de rachat d'Ubisoft par Vivendi soit désormais du passé. Attends. Non. Ils ont racheté toutes les parts. Il me semblait qu'ils avaient vendu à d'autres gens aussi, moi. Moi, ce que j'ai entendu, il y a Tencent qui vient maintenant. Ils ont laissé 5% des parts à Tencent, mais avec une précision sur le contrat justement de rachat, c'est que Tencent s'engage à ne pas racheter davantage. Donc de toute façon, ils sont limités. Oui, c'était juste par rapport au truc. Voilà. Donc il n'y avait que rien de ce côté-là. Et ils ont récupéré combien, Vivendi? 2 milliards, c'est ça? 1,8 milliard, je crois. 1 milliard, quelque chose. J'ai envie de dire, au final, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que Ubisoft retrouve l'intégralité qui Guillermo se bat pour retrouver depuis 2 ans. Vivendi a gagné du pognon, ce qui n'est pas... Enfin, il ne cherchait pas autre chose, je pense. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'Ubisoft, maintenant, ils peuvent attaquer le marché chinois. C'est ça. Avec Tencent. Ce que je voulais dire, c'était l'autre partie du contrat. Ils vont pouvoir, en échange des 5% à Tencent, ils s'engagent à faire une distribution pour les aider, tu sais, à tout ce qui est Assassin's Creed et toutes leurs licences. L'impact crétin. Donc, et le marché chinois, ça va être très rentable pour eux. Alors, tout le monde en sort plus ou moins gagnant, en réalité, c'est vrai, mais Ubisoft en sort vraiment doublement gagnant dans l'histoire. C'est clair que... On est à deux doigts de se dire, putain, est-ce qu'ils n'avaient pas planifié le truc? En même temps, tu regardes, Vivendi, Bolloré, il est content, lui il récupère quasiment 2 milliards. Moi, j'ai l'impression que... Ça va pour lui, hein. J'ai l'impression que pour Bolloré, en vrai, il n'en a rien à foutre du jeu vidéo, ça on le sait, mais c'était vraiment son but initial, c'était pas... participer à Ubisoft, c'est vraiment de faire une opération de ce genre. Oui. Moi, j'y connais rien en marché. Il a fait une OPA, il a menacé, et au final, il se retrouve avec une très bonne somme d'argent. Voilà, ce qui lui permet de combler le trou de Canal+. Ouais. Entre autres. Voilà, moi, j'y connais rien aux opérations boursières, la bourse, tout ça, ça me parle pas, mais j'ai l'impression, là, en voyant ça, je me dis, ouais, en fait, ils vont faire ça depuis le début. Mais Vivendi, ils sont toujours intéressés par le jeu vidéo, et de toute façon, je crois qu'ils ont toujours Gameloft pour eux. Je sais pas. Malgré tout, marche quand même pas trop mal, Gameloft. Ah, mais il marche très bien. Et justement, c'est pour ça qu'ils veulent pas l'abandonner. Parce que, Je suis un peu largué, je pensais que c'était encore Jean-Marie Messier qui était à la tête de Vivendi, c'est pour ça. Sinon. Ce que je voulais souligner, en fait, c'est que l'attitude d'Yves Guillemot, quand même, ces deux dernières années, est quand même quelque chose qui n'a pas été beaucoup vu ailleurs, même dans d'autres. Oui. C'est-à-dire que vraiment, la façon dont il s'est battu, les coups de gueule qu'il a poussés, la façon dont il s'est mis en avant, pour qu'il a montré son hostilité aux gens qui tentaient de racheter son entreprise, c'est quand même quelque chose d'assez inédit, même je ne crois pas avoir franchement vu ça dans d'autres secteurs. Simplement parce que dans d'autres secteurs, la majorité du temps, les boîtes, elles ne sont plus à ceux qui les ont faites. Ouais, parce que voilà, ils sont passés de main en main, c'est d'autres patrons. Ouais. Là, c'est sa boîte. Après, on peut ne pas aimer le personnage, ne pas aimer Ubisoft. Mais ça reste quand même son bébé. Hein. Mais c'est là où il y a un problème avec Ubisoft, c'est que justement, Yves Guillemot est très protecteur et tout. Le problème, c'est quand tu mets ta boîte en bourse, c'est le genre de truc qui arrive. Ça, je suis d'accord. Enfin, enfin, voilà, si tu veux pas que ça arrive, tu viens pas en bourse. Quelque part, tu mets ta main au feu, tu. C'est logique. Bah ouais. Après, voilà, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Yves Guillemot. Mais bon, c'est mon avis, c'est que voilà, si tu veux pas que ça parte en couille, bah tu pars pas en bourse. Hein, parce que sinon. Parce que bah, surtout requin Ubisoft, comme Bolloré, on connaît Bolloré, mais il y en a plein d'autres. Hein. Ouais, non, mais c'est clair que, comme dit Bill, il a quand même pris tous les médias possibles et profité des salons comme l'E3 pour vraiment. On se rappelle quand il faisait monter l'équipe sur scène et tout. Ah bah c'était vraiment pour montrer la guerre. Avec sa photo, avec ses points américains, là, The Boss. Mais après, c'est particulier quand tu sais que les problèmes qu'ils ont à Ubisoft, les problèmes internes, la boîte, elle n'est pas toute blanche non plus. Quoi. Alors, bien quand sûr que non. Le type se met en parangon de il faut sauver l'indépendance. Des fois, tu te poses des questions, quoi. Oui, tu fais ça parce que ta boîte est menacée. Autrement, on sait très bien que tu t'en fous. Hein. Là, effectivement, il y avait beaucoup de milliards sur la table à perdre. Non, je crois pas. UBI, au départ, ça veut dire Union des Bretons indépendants. Jamais bien porté son nom. C'est vrai. Après, au final, comme on a dit, tout le monde est content. Il y a encore des studios Ubisoft en Bretagne ? Je pense pas. Vous croyez quoi, Tibia, ça appartient à Ubisoft hein. Alors, qui c'est qui est le plus près de la Bretagne ici? Ah, c'est Fel, totalement. Bah oui. Avant, ça aurait pu être moi un jour, mais là, non. Donc, tu iras voir demain, tu prendras. J'irai jeter un coup d'œil. Figure-toi, mon revendeur de chez Claire bossait à Ubisoft en Bretagne avant. Donc, je pourrais lui demander, tu vois. On a des contacts. On tire au courant de ce qu'on va. Oui. On garde ça au chaud. On a des contacts. On a un peu la mafia du collectionneur très aussi. Très bientôt, une interview exclusive de Yves Guillemot. Bien. J'y crois. Voilà. Et donc, en fait, c'est un petit peu tout, je crois, comme news. Non, moi, j'ai une autre chose aussi. Moi, quelque part, j'ai deux petites news très bizarres, mais enfin. Alors, on a des news sous-jacentes qui n'étaient pas prévues. Voilà. Pour le coup, je les ai trouvées 20 minutes avant le début du podcast, donc. Ah bah, je suis un peu dans le même cas que Monsieur Chou, c'est que je me rappelais d'un truc. Alors, c'est même pas pour un jeu vidéo, mais c'est juste pour rappeler que j'ai vu un tweet de Ben Fiquet, le dessinateur, illustrateur. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Qui a fait un travail absolument formidable sur le Wonder Boy, hein, il n'y a rien à redire, il est vraiment surdoué le mec. Et ben, il s'est amusé à mettre un tweet avec des illustrations de son propre chef, quoi, en retravaillant Kid Caméléon, le jeu sur Mega Drive. Okay. Et en fait, le résultat est absolument génial, quoi. Je veux dire, ça dénature absolument pas le jeu d'origine, et le résultat donne vraiment un truc nickel. Et j'aime beaucoup son personnage avec le blouson en cuir. On ressort vraiment l'esprit années 80, quoi. C'est totalement ça. Et je trouve ça vraiment génial, quoi. Et alors, il a précisé évidemment que ce n'était absolument pas en projet ni rien du tout, mais il a balancé ça sur Twitter. Et maintenant, franchement, on se met à rêver que ça aboutisse, un truc pareil. Après, je sais pas. Est-ce que c'est encore pas Je sais pas, parce que le jeu, il rêve. Le jeu, tu le fais maintenant, personne n'y joue. Ou les gens qui vont y jouer, qui le découvrent maintenant, je pense qu'ils... C'est raide. Pour moi, Wonderboy, le Dragon Strap, il n'est pas si accessible que ça. Non, mais Wonderboy, en termes, je pense, de difficulté, il est mieux calibré, un peu mieux calibré que... Kid Caméléon n'a pas de sauvegarde. Non. Oui. Voilà. En plus, je parle même pas des enchevêtrements de niveau, des warpzones qui t'envoient en arrière, un truc comme ça. Ouais, mais bon, on peut trouver ça dans beaucoup de D&D, ce genre de truc. Moi, ça me choquerait pas. Est-ce que ce tweet-là, ça serait pas aussi... Bon, je vais faire le mec qui voit les conspirations partout. Ce serait pas un truc du genre, tiens, vas-y, balance ton tweet et regarde s'ils sont contents. Oui, mais c'est possible. C'est totalement possible. Mais moi... Après, il n'y a que les vieux et qui ont joué au jeu d'époque qui seraient contents. Je pense que la nouvelle génération, effectivement... Ah, mais connaît pas. Et je pense que c'est encore plus de niche un autre truc. Que Wonderboy. Hein. Ouais. Kid Camelon, oui. Oui. Mais le jeu a eu beaucoup de succès à l'époque. Hein. Et c'est un truc que je me suis toujours demandé aussi, c'est qu'il est sorti en début de gène de la Mega Drive. Le jeu était très populaire, vraiment bien accueilli par la presse. Beaucoup de jeux... c'est un jeu qui est très demandé, qui cote pas, mais qui est très demandé quand même dans le rétro. Enfin, c'est ce que j'entends dire un peu partout. Et c'est surprenant qu'il n'y ait pas eu de suite. Ça aurait très bien pu faire une licence, en fait, je trouve. Caméléon, ça aurait été terrible. C'est un jeu dont je voulais parler dans la fameuse chronique, là, ce jeu à la fin. Oui. En fin de mais je ne le ferai pas, ou peut-être un jour. Mais c'est un jeu, moi, qui m'a profondément marqué. Donc, déjà parce que je n'ai jamais fini. Parce que je n'ai jamais réussi à le finir. Moi non plus. Et pourtant, à l'époque, j'avais du temps pour jouer. Hein. Et... il avait ce côté, je sais pas comment dire, il était prenant. Le jeu, il voulait ta mort, mais toi, tu voulais quand même continuer de jouer au jeu. Oui, c'est paradoxal, effectivement. Le jeu était du jeu. Mais c'est surtout, il avait des mécaniques vraiment intéressantes avec les costumes et tout. C'était cool, quoi. Vraiment, c'était bien. Mais c'est-à-dire, c'était vraiment un truc de taré parce que chaque costume avait son propre nuancier de saut, sa propre palette de coups. Et il y avait, on parle d'une dizaine de costumes, hein, facile, hein, c'était vraiment fou. Mais pour le coup, t'as la Switch qui apparemment vend plus de jeux indés que jeux pas indés. Non mais c'est vrai, j'ai vu un chiffre circuler la semaine passée, je me souviens plus exactement lequel, mais il me semble que c'était quasiment 10 fois plus que ce qui était vendu à peu près en moyenne sur Steam. La Switch fait beaucoup de bien aux jeux indés, effectivement. Oui, c'est-à-dire que Steam est devenu tellement dégueulasse dans sa façon, il y a tellement de jeux et tellement de merde aussi en vente, que finalement il y a... et puis le support pour jouer est très très bien aussi, il faut être honnête. Hein. Il y a certains aussi. Jeux, jouer sur Switch, c'est agréable aussi. Hein. Donc quelque part, un petit jeu comme ça sur Switch, pourquoi pas, faut voir. Moi, j'aimerais bien qu'ils le fassent, mais après, je serais curieux de voir comment les gens vont être traumatisés. Le problème de Kid Camelon, c'est clairement, il faut réaménager la jouabilité, il faut créer une espèce d'arbre, entre guillemets, des niveaux à compléter, pour donner envie aux joueurs de trouver des sorties alternatives. Ouais, ça, ce serait une bonne idée. Il faut mettre une carte, des choses comme ça. Mais c'est un jeu qui est adaptable. Oui, c'est faisable. Oui, c'est vrai que... Si tu le laisses tel quel, c'est un suicide. Tu ne fais pas. Mais aménager, pourquoi pas. Enfin bon, là, voilà, on parle de rêve. On spécule parce qu'on aime rien. C'est un jeu qui avait marqué à sa sortie. Tous ceux qui avaient une Mega Drive, tous mes amis qui avaient une Mega Drive, avaient le jeu. Et les musiques du jeu sont... C'est des musiques de jeu, mais c'est typique Mega Drive, quoi. Avec des sons très métalliques qui t'agressent les oreilles, mais on parle du jeu depuis tout à l'heure, là j'ai des musiques qui me reviennent en tête quand même, tu vois, parce que c'était plutôt bien construite, très entêtante. Mais avec le son, par contre, les sons étaient dégueulasses, faut quand même être honnête. Mais voilà. Alors, juste pour préciser, parce que je ne le savais pas du tout, j'ai été voir un petit peu ce qu'avait fait l'équipe de Sega qui avait développé ce jeu-là, en fait. C'est eux qui sont à l'origine aussi de Comic Zone. C'est la même équipe. Tu vois, c'est drôle, hein. C'est encore un concept. Comme tu l'as dit, Kid Camelon est sorti très tôt sur la Mega Drive. Et techniquement, au moment où il est sorti, c'était très bien, hein. Kid Caméléon, c'est Marc Cerny. Encore. Moi, j'ai connu Kid Caméléon. Je l'ai connu après Sonic 2 et tout. Hein, et pourtant, j'accrochais. Hein. Donc, même après, bien après la sortie du jeu, moi, j'ai trouvé très bien encore. Bref, Omar, si tu nous écoutes. L'équipe du collectionneur, elle valide. Elle veut bien. Hein, elle veut bien. On valide. Il y a Ben qui te fait l'appel du pied. Nous, on dit ouais. Et pour le coup, tu es aussi le bienvenu pour venir parler éventuellement du jeu. Ah ouais. Tant qu'à faire. Moi, je dis non. Oui, mais t'as raison, monsieur Chouin. Autant lancer les invitations bien à l'avance, comme ça. On est les premiers sur l'info, voilà. Ah bah quoi, mais faut tenter. Hein. Mais oui. Comment tu crois qu'ils font la météo ? Ils t'annoncent du froid ou de la pluie alors que le lendemain il fait. Ah, mais oui. comme ça, s'il fait froid ou s'il y a de la pluie, bah, c'est les premiers à mardi. Voilà. Ah, c'est le pif gagnant. Voilà. Donc, et tes news à toi, monsieur Chou, tes deux petites voilà. news ? À part jouer à Nostradamus. Vite fait, alors, pour deux trucs qui concernent Atari, alors attention, très très brièvement, Atari France lance, alors ça m'a fait crever de rire, j'ai découvert ça avant le début du podcast, Atari France lance une crypto-monnaie, oui, vous ne rêvez pas, mais destinée à tout ce qui est casino en ligne, casino virtuel, on ne sait pas à quoi ça sert, visiblement, ils ont l'air d'y croire, c'est nos amis Atari France, c'est nos amis Infogrames. Voilà, et tu as l'Atari, anciennement Atari Box, renommé Atari VCS. Eh oui. Bon, comment on dit ? Alors, j'ai réfléchi toute l'après-midi à comment j'allais trouver ça, comment vous sortir ça. Atari, c'est un peu comme une ancienne copine de vacances. Tu dis, ah, c'était cool, elle était belle et tout, machin. Puis tu la rencontres des années après, tu dis, ouais, finalement, bon... pas trop changé, mais tu essaies de parler avec elle et tu te rends compte que c'est une putain de psychopathe. Atari, c'est pareil. À savoir qu'ils reviennent là, ils ont lancé un projet Indiegogo l'an passé. Visiblement, ils ont du pognon, mais quand il s'agit de faire cracher des gens, ils en ont pas. Comme beaucoup de boîtes. C'est... Alors, après avoir fait cracher des gens pour un projet où préco devait être ouverte dans le 18 décembre, il me semble, c'est toujours pas encore le cas. Apparemment, les préco seront pas ouvertes avant avril. Qu'est-ce qu'il y a dedans pour l'instant ? On ne sait pas grand-chose. On a vu une photo, dont une manette qui ressemble fortement à une manette Xbox. Non, dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On ne sait pas. On ne sait pas de quoi elle est faite, cette console. On ne sait pas ce qu'elle a dans le bide. On ne sait pas. On n'a même pas vu de jeu. Enfin, on ne sait pas. On ne sait rien. Apparemment, selon quelques rumeurs, s'il y aura un Linux dedans, Linux pour du jeu, peut-être. Alors, qu'est-ce que la gamme de prix entre 250 et 300 dollars pour une boîte qui ferait du jeu rétro Atari et du jeu indépendant. Et c'est là où tu te dis, les mecs, c'est des putains de psychopathes de penser. Il faut pas dire ça, la dernière qui a dit ça, c'est la Wii. Hein. Oui, voilà. Donc, c'est ce que ça a donné. Hein. Donc c'est pour ça que je disais que chez Atari, je pense que c'est vraiment des psychopathes en puissance. Les mecs, ils ne comprennent rien, ils n'ont rien appris de ce qui est des gens qui se sont cassés les dents avant eux avec des projets à peu près similaires. Et visiblement, je ne pense pas qu'ils ont l'air d'y croire, mais je pense qu'ils aimeraient qu'on y croit. Et pour le coup, bah moi, j'y crois pas du tout. Après, moi, comme je vous ai dit, j'ai vu les photos passer, il y a la manette, c'est une manette Xbox. Ils se sont pas fatigués du tout, mis à part les joystick. Boss Dick, c'est pire encore que ça. Il y a 5 jours de ça, ou 4 jours, quand ils ont mis en ligne, et j'ai envie d'éternuer, donc pour le coup, c'est la vérité, quand ils ont mis en ligne sur leur site une image du concept art d'Atari Box, le joueur qui était dans le canapé qui jouait, il avait dans les mains un pad de Xbox 360. C'était même pas la manette qu'ils ont redessinée à leur sauce, non, c'était un pad de 360. Les gens l'ont remarqué, ils ont changé l'image quelques heures après, mais bon, quelque part, le mal est fait. Ouais, non, parce que c'est... Tu t'es fait griller, c'est tout. Donc voilà, c'est un peu le drame de cette marque, qui est pour le coup l'une des marques mythiques du jeu vidéo, mais dont ceux qui gèrent le truc ont l'air de s'en battre les noix, mais... Je pense qu'au bout d'un moment, faut abandonner. Quoi. Totalement. Je me fais sur le succès, mais je crois que là, arrêtez. Et honnêtement, c'est pas pour dire, mais il ferait mieux de mettre à leur tête quelqu'un qui est vraiment passionné par cette marque. Comme ça a été le cas, il y a des fois des marques comme ça qui sont un peu tombées un peu en désuétude. C'était le cas, pour le coup, c'est un sujet que je maîtrise pas mal, de la marque Fender, la marque de guitare. Ils ont été rachetés par CBS Communications qui a quasiment fait couler la boîte. Puis au début des années 80, elle a été rachetée par un type qui visiblement était plus que passionné. Ils ont monté quelques projets et bien maintenant ils sont là, ils sont plutôt en bonne santé. Ils ne font pas toujours de la qualité, mais ben ils ne sont pas connus pour faire que du caca. Et je pense que c'est le mieux qui pourrait arriver à Atari, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par cette marque. Bah après, on verra bien s'ils arrivent à en vendre. Mais... Ouais. Bah alors, pour le coup, la VCS, on n'a pas besoin de s'avancer beaucoup pour se dire que... Ça va faire un flop. Ah ouais, j'y crois même. Autant au début, quand c'était annoncé, je me suis dit, on va voir, on va attendre de voir ce qu'il y a dedans. Bon, ben là, ça va faire quasiment... C'est pas compliqué, ça fait 8 mois que le projet est annoncé, c'est toujours pas ce qu'il y a dedans. Donc je pense qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Et ouais, c'est terrible. Ok. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je peux signaler rapidement que Sega va sortir une nouvelle compilation Mega Drive au mois de mai. Ah oui. En rajoutant encore une bonne grosse poignée de jeux. Oui. Oh mon Dieu, attendez, messieurs, on est sur écoute. Je viens de recevoir, mais je vous assure, à l'instant, un mail de d'Atari Box qui annonce le projet, voilà, truc Atari Box, Atari VCS Reboot, je sais pas quoi. Alors qu'est-ce qu'ils disent dedans? Apparemment, il n'y a rien dedans, c'est juste pour dire qu'ils ont changé de nom. Je vous jure, c'est vrai. J'ai reçu ça à l'instant. Enfin, ouais. Très bien. Merci, bon. Atari. Merci, Atari. Donc, je disais que Sega nous ressort la Mega Drive Ultimate Collection avec une bonne grosse dizaine, douzaine de jeux en plus. Oui. Pour ceux qui veulent jouer de manière légale, entre guillemets, ça reste une des manières les moins chères qui soient, puisque la compilation inclut des jeux qui, de toute façon, aujourd'hui, sont à des tarifs farfelus, dont tous les 13 jeux sortis en Europe sont Mega Drive. Ah oui, on a Dynamite Heady, on a Gunstar Heroes, et surtout Alien Soldier, qui fait son apparition. Oui. Bon, toujours pas, malheureusement, Magdalen Treasure Land ni Yu Yu Hakusho, mais peut-être c'est bien dommage. Bah, ça, on les jouera jamais, Hakusho, je crois. C'est compliqué. Oui, je crois qu'au niveau licence, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bref, oui, donc comme tu dis, Pelle, les Wonder Boy en plus ont été ajoutés. La sélection des jeux, bon, c'est une grande majorité quand même ceux qu'il y avait déjà sur la compilation PS3 360, ouais, qui était considérée à ce jour comme la meilleure compil de jeux Sega. Oui. Bon. Et là, il pousse le bouchon encore plus loin. Mais moi, je trouve ça... Bah moi, je suis pour. Hein, tout le sens. En plus, que je sais pas si tu avais précisé le prix, mais c'était à 29 euros. Une trentaine d'euros pour un peu plus d'une cinquantaine de jeux. Voilà. Alors, j'aimerais juste... L'émulation sera parfaite. J'aimerais juste dire un truc. Oui. Monsieur, chez Capcom, regardez ce qu'ils font chez Sega sur leur vieille copie de jeux. Non, voilà, des bisous. Moi, tu as déjà fait un troll tout à l'heure au début. Non, mais je suis de bonne humeur aujourd'hui. Non, mais 30 balles. Bon, les jeux, on les a vus, revus et tout, nous, mais pour ceux qui n'ont jamais fait ou autre, franchement, 30 balles, je trouve ça raisonnable. Bah, vu et revu, oui et non, parce que quand tu ajoutes des jeux comme Alien Soldier. Alien Soldier, c'est vrai qu'à lui tout seul, il vaut largement les 30 balles. Ou ouais. Wonder Boy 5, entre guillemets. Bah, mais même Alien Soldier, maintenant, il coûte. J'ai une petite question, parce que je n'ai pas suivi, ça va sortir sur Switch, pour le coup aussi, cette compil. Alors, c'est pas annoncé, et à mon avis, tu vois, ça, c'est un truc que les gens réclamaient, évidemment, une sortie sur Switch. Mais cette compilation, même les précédentes, n'était jamais sortie sur les consoles Nintendo non plus. Alors, c'est des... Et preuve, c'est parce que je pense que Nintendo préfère vendre, en partenariat avec Sega, les jeux à l'unité au prix fort sur leur eShop. C'est ce qu'ils ont toujours alors, fait. Il y avait Street of Rage 8 euros. Il y avait de ça. Et ouais, je pense que c'est une des bonnes raisons. L'autre raison, c'était qu'à l'époque PS3 360, les jeux étaient vraiment... entre guillemets full HD, oui, avec mode 16:9 et tout le bazar, et que ça les aurait fait chier de juste les retoucher juste pour la Wii. Oui, certainement. Oui. Que là, franchement, la Switch, c'est bon, elle l'encaisse, le full HD. Par contre, il y aura peut-être aussi cette histoire de Virtual Console. Ah bah oui. En fait, si je posais la question, comme il y a eu les compiles le Mega Man où apparemment Capcom n'a pas mis tous les jeux dans la cartouche sur Switch. C'est pas du tout à ça que je pensais, hein, pas du tout. Pas du tout, non, pas du tout. Et là, je viens de dire ce que Fury Sanctuary dit, hein, c'est pas bien, monsieur. C'est pas bien. Il faut acheter. Achète. Tipiak, monsieur, attention. Tipiak. Ils ont mis la première compile Mega Man et la seconde est en téléchargement, comme ils ont fait pour Bayonetta 1 et 2 en Europe. Hein. Ouais. Ils ont mis qu'un jeu sur deux. On commence à voir les limites de cette histoire support physique cartouche aussi. Ça arrive. Mais ce que je voulais dire, c'est que la compil Megaman, elle coûte 40 euros. T'as 6 jeux. Oui. Non, 10. 10. Voilà. Et des jeux qui sont déjà ressortis. Et Sega, t'en as plus de 50. 29. Et la compil Megaman X de Capcom, elle est annoncée avec 4 jeux dans chaque. Le tarif, je sais pas combien ça sera, mais voilà. Enfin, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Tant qu'on parle de la Switch, j'ai découvert un truc cette semaine. Donc il y a le truc où on peut enregistrer en fait sur son compte Nintendo les jeux qu'on a achetés en cartouche. Mmh. Attention, les jeux que vous faites venir des États-Unis ou du Japon, vous ne pouvez pas enregistrer les trucs parce qu'on vous dit, voilà, ton compte, il n'est pas relié compte d'origine du pays, alors tu ne peux pas. C'était pas déjà le cas avant ? Si, si, c'était le cas avant. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai découvert ça, je dis pas. C'est vrai, moi, j'ai pas de jeu, j'ai jamais eu de jeu étranger sur ma Wii ou... Par exemple, sur la Switch, j'ai acheté Tiny Barbarian, la version boîte physique, elle est sortie qu'aux États-Unis. Et du coup, en la mettant sur ma Switch, il m'a dit « Ah bah non, tu peux pas enregistrer le jeu. » Voilà. Okay. C'est... Voilà. Bah normal, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Voilà. Mais il faut le savoir, ouais, c'est quand on fait de en l'import... Temps, vu les récompenses ridicules... Voilà. On est loin du club Nintendo qu'on a connu. Ah, effectivement, c'est ça. Cube de la comme Wii, ça, voilà. Le club Nintendo qu'on a connu, tu veux dire celui où il fallait des milliers de points pour avoir des trucs qui étaient en cours de stock Mais attention. Si t'es malin, et si tu connais des gens qui travaillent dans les magasins d'occasion, et tu dis, moyennant... Hein, échange de bons procédés, tu me files des cartes comme Nintendo avec les codes pas grattés. Derrière, on peut s'arranger. Ouais, mais fallait vraiment avoir de la chance, parce que la majorité du temps, il les récupérait déjà pour eux. Ouais, non, ça dépend. Ça dépend. Parce que les vrais trucs bien, ils restaient pas longtemps, ils étaient chers. Hein. Moi, j'en ai jamais eu. De quoi les vrais trucs bien, ils restaient pas longtemps, ils étaient chers. Par exemple, comparé au. La seule chose bien que j'ai eu, c'est un t-shirt, parce que c'était le moins cher d'être. Comparé au club Nintendo japonais, où là, c'était l'orgie chez nous. Non, mais eux, ils étaient intestables. Honnêtement, ils avaient des trucs assez extraordinaires. Enfin, voilà, pour le coup, ça sentait un peu moins le pipi que le truc actuel, quoi. Parce que bon. Je sais pas, moi, j'ai eu 5 balles. Il y a une validité des points en plus. Hein. Oui, ça, par contre, c'est de la merde. Ça, par contre, c'est de la merde. Mais moi, j'ai eu 5 balles alors que j'avais rien demandé, donc moi, je prends. Hein. Bah oui. Ah oui, bah on te donne, tu prends. C'est gratuit, tu prends. Là, quand j'ai validé mes jeux, j'ai vu que j'avais quoi 5 balles, mais bon. On verra bien. On va attendre et puis on verra bien. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les news ? Là, c'est 21h30, on va passer à notre sujet principal. Principal ? Donc, le système. Principal Skinner ? Neo Geo, sorti par SNK Corp en 1990. Alors, dans un premier temps, déjà, le Neo Geo, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de jeux vidéo qui est prévu au départ, donc pour... qui n'a jamais existé. Comment dire ? Personne n'a jamais eu. Qui était prévu au départ pour créer un système d'arcade permettant aux exploitants de ne pas avoir à changer toute la carte, comme au format JAMA, où vous deviez changer la carte intégralement en mettant de nouveaux jeux, qui permettait donc d'avoir une partie de hardware sur la carte et de pouvoir changer les jeux à volonté. Le système s'appelle MVS, pour Multi-Video System. Ils ont créé des cartes comprenant un slot, deux slots, quatre slots, voire six slots pour les plus grandes, qui permettaient en plus de choisir son jeu. C'était magique. Et la console était, enfin le système d'arcade était ce qui se faisait de plus courant à l'époque, à savoir un 68000 épaulé par un Z80. Yep. Sauf que c'était comparé à ce que nous on avait à la maison dans notre petite Mega Drive. C'était voilà. C'était le jour et la nuit, c'était le jour et la nuit, c'était la grosse claque dans ta bouche. Ouais. Et pour donner deux petites précisions, donc les slots 4 et 6, ouais, et 6 ont la possibilité de brancher dessus une carte mémoire de la Neo Geo AES. Oui. Et par contre, tu parlais tout à l'heure du format JAMA en disant voilà, on n'est pas obligé de changer la carte. Attention, à certains jeux JAMA, il faut aussi régler le bon voltage. Ouais. Là, la Neo Geo, il me semble que tu as besoin de plus 5, moins 5 volts et 12 volts. Mais attention, il y a l'un des voltages, s'il est trop fort ou pas assez élevé, le système reboot en boucle. D'accord. Voilà, j'ai eu un slot MV4F, donc un 4 slots. Punaise, quand je ne le réglais pas à 5,1 ou 5,2 volts, il rebootait tout seul et c'était absolument dégueulasse. Et Beyond, quand tu disais... que la console... Enfin, pour remettre dans le contexte aussi, c'est que la Neo Geo, c'était un truc... c'était aussi pour accompagner un leitmotiv qui revenait souvent à l'époque. Hein. C'était un truc à la maison. Ouais, voilà, c'est l'arcade. Mais alors, justement, j'y reviens, j'ai pas encore parlé de l'AES, on sait pas qu'elle existe encore. Je vais pas... Ah oui, oui. Et donc, sur le coup, la SNK s'est dit que on pourrait justement faire profiter des jeux aux joueurs des mêmes jeux en arcade qu'à la maison, sauf que eux, ils n'ont pas fait comme Sega. Sega, ils se sont dit, on veut que les gens profitent des jeux arcade à la maison. Mais les gens ne vont pas dépenser le prix d'une borne d'arcade, donc on va leur créer un système moins puissant, avec des jeux moins onéreux, pour leur donner les mêmes sensations, tout en sacrifiant une partie technique. Une grosse partie technique. Chez SNK, on s'est dit, on va sortir la même chose qu'en arcade, uniquement destinée aux riches, mais ils auront, point pour point, les mêmes jeux. Le système à la maison s'appelle l'AES, donc l'Advanced Entertainment System, c'est imprononçable. Et par contre, quand même, pour éviter que les petits malins fassent les petits malins, on va faire des jeux avec des connecteurs légèrement différents pour éviter qu'on prenne des cartouches NVS et qu'on les colle directement dans notre console AES. Ouais, ouais. Voilà. Attention, donc, il existe quand même des conversions. On en parlera sans doute après. On va en parler des conversions après. Il existe aussi des adaptateurs comme le Phantom qui permet de faire passer les jeux NVS sur une console AES. Mais à l'époque, voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est une console qui est elle-même déjà chère et en plus des jeux qui ne vont pas regarder à la dépense côté mémoire. Et à l'époque, la mémoire, bah, c'est ce qu'il y a de plus cher. Mais en plus, au début, tu pouvais pas les acheter les jeux, fallait juste les louer. C'était loué, hein. C'était des locations. Ah ouais, c'était de la location. Hein. Ouais. Ce qui est totalement hallucinant, d'ailleurs, le concept pour l'époque. Hein. Mais moi, au début... Non, c'est pas si bête, en fait. C'était des années aussi où la location de jeux vidéo commençait un peu à prendre dans certains pays. Donc pour oui, mais pas quand tu sors une console. Quand tu sors une console et qu'on te dit « t'achètes pas les jeux, il faut juste les louer », ouais, pas de bundle, il faut acheter la console et tu loues ton jeu. Je sais pas, parce que c'est quand même. Il y avait les locations de console aussi, de toute façon. Et puis je crois que tu pouvais louer aussi la console, non? C'était une époque où il y avait les cassettes vidéo, là, pour regarder des films et tout. Et on achetait c'est étonnant. C'est vrai qu'en jeu vidéo, personne n'avait pensé à le faire. Ça me choque pas. Autre que les magasins, tu sais, les magasins qui faisaient de la location de jeux vidéo, comme on a pu connaître quand on était plus jeune. Le fabricant qui louait ses jeux lui-même. Avant de pouvoir les mettre en vente. Après, voilà, ils se sont peut-être dit, la console, elle coûte une blinde. Peut-être aussi. Les jeux vont coûter une blinde, donc peut-être qu'il vaut mieux pour l'instant proposer aux gens, leur proposer de pouvoir jouer, même s'ils n'ont pas le jeu, ils pourront jouer quand même, quoi. Je sais pas. Je vais être super honnête, hein. Moi, la Neo Geo, la première fois que j'ai vu, c'est dans un bouquin. J'avais vu les graphismes et je crois que c'était un fake. Moi, tu sais, j'étais là, j'ai dit lol. Tu te fous de ma gueule. Il y a la Super NES, la Mega Drive, et puis il y a les Neo Geo. Tu crois que j'ai gobé ça, tu sais. Donc, tu crois, ça nous a tous fait cet effet. Ah, mais tout le monde a tous. Ça, oui. Ah, oui, je pense que c'est pareil pour toi. En plus, nous, on est plein. Nous, la majorité d'entre nous, on est vraiment de cette époque, quoi. Ah oui. Nous, c'était vraiment dans les années 90, on voyait ça, on ouvrait les bouquins, on voyait ça. Et... Pour préciser la technique, donc le chipset sonore, c'est donc un chip Yamaha, évidemment. Permet à une quinzaine de canaux différents, donc 4 canaux FM. Donc, pour l'époque, il n'y a pas de concurrent, je veux dire, ça c'est aussi en termes de qualitatif. Et tout ça, eh ben, aussi incroyable que ça puisse paraître, la console, la première itération de la console ne consommait que 8 watts. 5 watts pour les dernières sorties en date, les dernières versions. Mais voilà, imaginez par rapport à ce que consomme aujourd'hui votre PS4. C'est pas pareil, effectivement. L'est-il ? Voilà, c'est absolument. C'est. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, les consoles. Enfin, la Neo Geo ou le Super NES ou autre. Enfin, bref, les consoles d'avant, quoi. N'ont pas de système de ventilation, hein. Parce qu'il n'y a pas de chaleur à dissiper. Ça consomme pas. Tout simplement, Donc, tout ça pour dire qu'en termes de. Conception au départ, la Neo Geo, c'est vraiment quelque chose d'exemplaire. Je veux dire, oui, c'est un truc de ouf. C'est Voilà, c'est pas un hasard si le système a connu autant de succès. Ils avaient toutes les cartes en main, ils avaient la puissance, ils avaient l'idée donc d'intervertir les jeux en arcade directement, qui fait que beaucoup d'exploitants se sont dit que bah évidemment c'était vachement plus sympa de changer le jeu et d'avoir une super collection de jeux plutôt que dans des boîtes plastiques qu'on appelait les showcase, qui permettaient en plus de les changer comme ça directement à la volée et non pas les cartes à nu quoi. Et puis d'avoir des bornes qui effectivement te permettaient d'avoir voilà des bornes à 4 jeux. Tu appuies sur ton bouton, ça change le jeu automatiquement. Oui, mais justement, et en plus, le design de la console était extrêmement réussi. Rien, tu sais, dans sa sobriété, elle faisait très classe et ça allait complètement avec cette puissance de console en plus. Elle avait des sticks. Elle avait des sticks. Bah, en même temps, oui, pour une console qui voulait l'arcade à la maison. Non, mais ils avaient tout pensé correctement. Oui. Mais pour donner une idée peut-être aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est comme si aujourd'hui, Sony ou Microsoft ou. Peut-être pas Nintendo ferait ça, mais voilà, Sony ou Microsoft, ils disaient « Bah, moi, je veux faire du jeu en 4K 60 FPS pour de vrai. » Et ils sortaient la console qui va avec. Et console, elle coûterait pas 500 euros. Elle coûterait 1000 euros, peut-être. Voilà, un truc comme ça. Et bah, là, c'est ça. C'était ça, la Neo Geo. Pour le coup, avec le marché du jeu vidéo d'aujourd'hui, c'est déjà beaucoup mieux, en fait. Ouais, non, mais voilà. Mais je veux dire, c'est la comparaison. C'est ça qu'ils ont fait, SNK. Ils ont dit « Voilà. » On s'en fout, pas de compromis. Tout en ayant donc le guac de l'époque, qui problème, c'est que plus on fait des graphismes compliqués, plus on a besoin de place. Plus on a besoin de place, plus les jeux sont grands, plus ils coûtent cher. Mmh. Et on se retrouvait avec des jeux qui étaient parfois plus onéreux que la console elle-même. Ouais. Ah oui. Ouais. Bah, déjà, tu sais, le 100 Megashock. Voilà, 100 Megashock. Bon, pour autant, pour commencer par le début, déjà commençons par un tour de table. Qui a ou a eu une Neo Geo ici, à la maison? J'ai eu une AES et j'ai eu un MVS, un slot 4 slots MVS. J'y jouais chez un pote. Moi, non. Je viens de faire, pour le coup, la liste de tous les jeux que j'ai eu. Et ben, en fait, j'en ai eu beaucoup plus que ce que j'aurais aimé l'admettre. Enfin. Ah oui, non, j'en ai oublié en fait. Oula. Ouais, donc pour le coup, c'est. Bah, moi je l'ai en tout cas. Tu l'as encore? Oui. Oui. J'ai la Neo Geo. Oh, c'est riche. Oh, je me désolidarise. Ouais. Non, mais là, je vais honnêtement. Ah, je l'ai pas eu à l'époque. Hein. Je l'ai eu beaucoup plus tard. C'était j'avais revendu une Wii et une PS3 pour l'acheter. Donc voilà, oui, j'ai la Neo Geo. Ouais. Moi, perso, donc je l'ai déjà dit, je n'ai pas de Neo Geo parce que lorsque j'ai commencé à collectionner, je me suis concentré sur les consoles que j'avais quand j'étais jeune, c'est-à-dire pas la Neo Geo. Ouais. Et quand je me suis dit que j'allais collectionner la Neo Geo, c'est là où je me suis retourné et j'ai fait « Oh, putain, les prix !» Voilà. Je suis dans le même cas que Abilonde. J'aimerais bien en avoir une, mais quand je vois le prix des jeux, effectivement… Non, mais c'est ça. Mais moi, j'ai la Neo Geo. C'est pas du tout dans l'optique de collectionner. C'est un peu une console que tu as pour le délire de l'avoir, mais tu vas absolument pas collectionner dessus. Parce que j'ai vraiment envie d'y jouer. Tous les jeux sont vraiment orientés arcade, dès l'instant où tu n'as pas de pote pour y jouer, la console n'a pas vraiment d'intérêt. Cela dit, voilà, j'ai pas eu de Neo Geo. Par contre, c'est lorsque je suis tombé plouf dans l'émulation fin 99. Oui. C'est une des premières consoles à laquelle j'ai voulu jouer. Oui, oui. Mais tous ceux qui sont tombés dans l'émulation. Je faisais ça avant de la posséder, cette console, justement. J'émulais, justement, parce que j'avais vraiment envie de cette Neo Geo. J'ai fait comme toi, puis, mais j'ai passé le cap à un moment, quoi. Donc voilà, oui, c'est ça. J'en ai jamais vu en vrai, moi. J'ai de la chance. J'avais un pote qui en avait une, donc j'ai pu y jouer pas mal. Et donc oui, je voulais revenir sur les tout premiers, la première fournée de jeux Neo Geo, que je vais être un peu le gars blasé, mais je trouve que les premiers jeux Neo Geo, ils n'étaient pas... Regarde même plus loin, regarde même ce qui est sorti la première année. Hein. Il n'y avait pas NAM 75, non? Bah, c'est sur le Magician Lord. T'as NAM, voilà, à part NAM et Magician Lord, je l'ai eu, c'est pas... Bien c'est pour l'époque. Hein. Oui, c'est pas... Bah attention, pour le coup, le joueur occidental qui n'est pas américain et qui, pour le coup, s'en tartine du baseball... Oui, c'est vrai. Après, tu regardais Sprite. te dis, les sprites, l'animation, ouais. C'est vrai que par rapport à ce qu'il y avait alors, sur votre console... C'est peut-être ça le problème des premiers jeux Neo Geo, c'est que, bah, justement, ils étaient un petit peu en mode, regardez les gros sprites. Voilà. Totalement, oui. Et donc, sur le coup... Après, pour le coup, tu parles de gros sprites, tu as un jeu comme Puzzle, que personne connaît, c'est un jeu que j'ai vu, un peu au pif d'ailleurs. Et c'est pour le coup, tu te dis... Joy Kid. Tu te dis... Joy Kid, oui. Si ceux qui gèrent la franchise Tetris, ils avaient eu le nez fin, ils auraient fatalement remis un mode de jeu comme ça. Parce que pour le coup, c'était vraiment excellent. Alors attention, super dur, mais c'était vraiment excellent. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Parce que pour aller encore plus loin, je pensais, enfin moi, le jeu qui symbolise c'est cette première fournée entre guillemets de jeu Neo Geo pour moi, c'est King of the Monsters. Ah oui. Qui était totalement over the top au niveau de la taille des sprites, de tout, de la réalisation, tout ça. Oui. Mais est-ce que c'était intéressant? C'est un an après aussi déjà King of the Monsters, non? C'est la deuxième fournée de jeu normalement, il me semble. Ah oui. Avec quatre premiers et après ils ont sorti ça avec Sengoku qui par contre était un beat'em up. Des gros sprites. Très bien. Bah, j'ai un ami scénariste BD, celui qui fait justement sillage chez Delcourt et tout ça. Ouais. Bah, King of the Monsters sur Neo Geo, il l'avait acheté pour ce jeu-là. Il me l'avait dit. Il adore. Alors, en niveau des sorties MVS, c'est un des premiers jeux sortis hein, avec, avec Baseball Star et Blues Journey. Ouais, AES, il est sorti. MVS. Blues Star 91. Blues Journey, février 91. J'adore ce jeu, Blues Journée. Par contre, en AES, tu as raison, effectivement, c'est partie de la première fournée. Ouais. C'est Raggy, je crois. C'est ça, Raggy, Blues Journée. Et on n'oublie pas aussi Alpha Mission 2. Ouais. Et bah, je dis ça parce que j'aime. Moi, tout ça, même le premier Sengoku, et même je vais aller encore plus loin, même si tant pis, j'ai des gens qui ne vont pas m'aimer, mais le premier Fatal Fury ou le premier Art of Fighting, pour moi, c'est des jeux qui sortent juste des gros sprites, des gros zooms, voilà. Mais qui réduisent un petit peu au passage voilà, la jouabilité de jeu. Qu'est-ce que c'est raide, ce jeu. Même pour le Sengoku, il fallait au moins attendre le 2. C'est... Ouais, t'as raison. Bah, par contre, je veux dire, le Blue Journée, les sprites étaient tout petits. Hein. C'était différent. C'était un vrai jeu de plateforme très coloré, extrêmement bien accueilli à l'époque. Les sprites n'étaient pas énormes hein, pour Raggy. Ouais. Et Blues Journée, moi, c'est parti. Je suis passé à côté à l'époque. Peut-être que c'était pas assez impressionnant pour montrer aux gens à l'époque. Je crois que c'est le cas. En plus, c'est pas un jeu techniquement fou, mais il a plein d'effets spéciaux quand même. Ouais, un jeu qui me semble dans les magazines de l'époque avait eu des notes assez magnifiques. Ouais, c'est Drevet hein, qui l'avait testé dans le Player One. Il a trouvé le jeu mais fantastique. Je me rappelle encore du test. Et ça, c'était c'est le dernier jeu Neo Geo que j'ai. Je le voulais. Journée. Un jeu de plateforme, c'est plutôt rare même sur Neo Geo un jeu de plateforme. Bah oui parce que ce que les gens vont dire de manière générale, ils ont pas tout à fait tort. La Neo Geo est quand même très orientée versus fighting et jeux de tir de manière générale après quelques puzzle games et des shoots. Des shoots magnifiques. Alors il a des shoots assez vachement. Oui, quand même. Assez vachement. C'est une plateforme avec les yo-yo. Ah merde, c'est quoi le nom on en a peu, mais ils sont vraiment. Spin Master. Voilà. Oui, le Spin Master. Qui est super cool. Je l'ai eu pour le coup, je vais rien faire là. Ah, avec les yo-yo, hein, le cowboy. Ouais, Spin Master est cool. Ouais, c'est un peu plus tard, ça. Je pense qu'au niveau des choses de map, un des plus impressionnants, évidemment, c'est le fameux Blazing Star. Last Resort, Blazing Star est un gros cran au-dessus visuellement de ces Last Resort, avec son décor à la Akira. Ouais. Last Resort. Ah non, Last Resort est bien, mais c'est un des premiers shoots. Bah oui, mais il est beau. Hein. Tu prends Blazing Star et tu prends Pulsar et tu perds tes yeux tant que tu ne peux pas que ça puisse être sur une console comme ça. Quoi. Last Resort, c'est du R-Type en réalité. Hein. Il est très très proche de R-Type. Juste pour dire aussi, ils ont fait des shoots dégueulasses. Andros Dunos. Viewpoint. Voilà, moi j'ai mon petit préféré à moi, c'est Viewpoint. Ah bah voilà. Donc, évidemment, Viewpoint, les fans de Zaxxon ou les pas fans de Zaxxon vont commencer à convulser parce que shoot'em up plus 3D isométrique, c'est pas bien. Alors je confirme, c'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Par contre, le jeu est tellement réussi techniquement. Enfin, c'est ce jeu, je l'ai toujours adoré. À l'époque, je le voyais à la télé, Télévisator 2 ou MicroKids. Je voyais ça et je me dis, mais ce jeu, je le veux un jour. Et je pense que si un jour je franchis pas, c'est un des premiers jeux que je vais vouloir acheter. Même si, bon, c'est pas des plus abordables. Tout à l'heure, on a parlé de Baseball Stars. Il y a un genre de jeu qui est quand même assez présent sur la console, c'est les jeux de sport. Tu as la série, la série des Super Fight, des Super Sidekicks. Que j'adore. Qui, moi, personnellement, est dans ma dans mon top peut-être 3 ou 4, même mon top 5 facile, des jeux de sport rétro. Tu mets Super Sidekick 2 ou 3. Je crois que c'est le 3, The Next Glory. Il me semble. Ouais, le 3. Ouais. Tu mets le 3, mais j'y joue quand tu veux, y a pas de problème. Bah, ils ont fait aussi Street Hoop, du basket, du streetball. Tu as aussi Soccer Brawl, qui est pas excellent, mais j'y jouais quand même pas mal. Je crois que je l'ai eu, mais je suis pas sûr. Bon, t'as forcément Flying Power Disc, Windjammers. Oui. Petit coco à Kaikun. C'est ça. Oui. Kaikun qu'on voit plus. Il fallait. Oui. Windjammers qui quand même il est trop occupé à... quand on le dit c'est un jeu qui est encore unique aujourd'hui parce que quand j'avais vu non justement Kaikun qui est allé faire ce fameux tournoi aux États-Unis et on voyait les gens sur le chat passer des jeux versus fighting traditionnels à Windjammers et les gens sur le chat en mode c'est quoi, qu'est-ce que ce jeu, mais qui c'est qui a mis ça là. Ça fait partie des jeux. Tu peux même encore maintenant faire découvrir ça à des gamins. Ouais. Si tu repasses une demi-heure après, tu te dis putain, ils sont encore en train d'y jouer en fait. Mais carrément, il est une accessibilité, mais c'est immédiat. Et c'est ouais. Et comme dedans, il y a des mécanismes pas expliqués durant le petit écran, comme 90% des jeux d'arcade d'ailleurs. Un petit écran qui t'explique succinctement à quoi servent les boutons, mais pour le coup, les effets liftés, les machins, comment ça marche, les super coups et tout, il n'y a rien qui t'explique ça, il me semble, dans la petite intro. Donc pour le coup, tu as un peu plus à creuser que ce que le jeu veut te faire paraître, et c'est un jeu exceptionnel. Ouais. Et si vous voulez jouer donc à Windjammers, aka Flying Power Disc, la version PS4 est extrêmement valable, hein, évidemment. Yeah. Elle a été faite avec plein d'amour. Je pense que les problèmes de netcode et d'internet du départ ont été résolus maintenant, et que le jeu est tout à fait jouable en ligne. Il me semble d'ailleurs, je l'avais acheté sur MVS, qu'il n'était pas très onéreux il y a cette dizaine d'années. Okay. Sur MVS, attention. Ouais, sur MVS. Bon, rapidement, un petit débat pour mettre fin à ce truc qui me torture l'esprit depuis ma jeunesse. World Heroes, c'est bien ou c'est pas bien? Là, je peux pas te dire parce que je les ai pas. Moi, j'y ai bien joué, hein. C'est pas bien. C'est rigolo. Avant l'arrivée de, on va en parler fatalement de cette série de jeux, pour le coup je garde le mini-suspense, mais avant l'arrivée de cette série de jeux, pour moi les jeux de baston SNK c'était non. Ah oui. C'est non, ah mais totalement. Hein. Et d'accord. Pour le coup, je fais partie de cette génération qui a connu les jeux d'arcade depuis le berceau. Le premier jeu vidéo auquel j'ai joué, c'était Arkanoid en arcade. Après avoir regardé comme un couillon la bande pendant deux heures alors que personne n'y jouait, mon père m'a donné des pièces pour que j'arrête de lui casser les couilles le temps qu'il joue au billard. Bon voilà. Et pour le coup, j'ai énormément fréquenté les salles d'arcade. World Heroes, Fatal Fury, Art of Fighting, c'était non. et même pour toi, fan de catch, Three Count Bout, c'était pas bien. Alors, à l'époque, on n'arrivait jamais à prononcer le nom. Voilà. Ah non, je me suis amusé, par contre. Trois coups de boule, je crois qu'on finissait par l'appeler avec les potes, c'est pour dire. Je n'ai jamais aimé ce jeu. D'accord. J'y rejoue maintenant, je me marre, mais j'ai jamais. À l'époque, je n'aimais pas. Alors que moi, à l'époque, c'est un jeu qui m'a beaucoup fait rire. J'aimais beaucoup. Oui, il est marrant, mais passer le côté marrant, en fait, je m'y emmerde royalement. Tu parles du World Heroes, là ? Non, parce que World Heroes, il y avait des sprites qui n'étaient pas trop mal, mais World Heroes, en termes d'animation, c'était pas. Voilà, en termes de jeu en lui-même. Hein. World Heroes, attention, j'y rejoue maintenant peut-être un peu sur. Je crois qu'il y a une version SNES et une version Mega Drive. Le jeu me fait beaucoup rire, mais J'ai plus l'impression qu'il me fait rire pour son côté nanar, presque. C'est ça, mais c'est totalement ça. Il y a vraiment un côté nanar. Je sais pas si c'est le nom où il y a Rasputin. C'est ça. Il y a Rasputin, exactement. Il y a qui fait un dragon, par contre, qui est magnifique. Oui. Et avec ses mains immenses, là. Il y a qui aussi dedans ? Il y a Jeanne d'Arc, oui, voilà. Et pour continuer, quelques temps après, donc ADK reviendra avec Aggressors of Dark Combat. Qui était mieux. Mais qui n'est pas non plus le meilleur jeu de la machine. Non, mais c'était mieux. C'était quand même mieux. C'était quand même mieux, Aggressors of Dark Combat. Après, on parlait de... Et parce que moi, je voulais juste te dire rapidement, ouais, le point d'inflexion, le moment où je me suis mis à considérer réellement un Neo Geo et à avoir des petites étoiles dans les yeux en me disant « mais ça a l'air trop bien », je m'en souviens très précisément, je regardais, c'était à Télévisateur 2, ils avaient passé l'intro de Fatal Fury Special. Ah bah oui. Again, Legend of He-Man Returns. J'étais devant la télé, j'ai fait « mais bon sang, c'est quoi ?» Et là, je trouve Fatal Fury Special, pour moi, c'est vraiment le premier épisode où là, vraiment, ils se sont dit chez SNK, on va vraiment essayer de concurrencer Street Fighter et faire quelque chose de vraiment propre, de vraiment bien. Bah, moi, j'aime beaucoup Fatal Fury 2. Alors, je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2 où tu as la musique du dernier boss, où tu as de la musique classique. Ah, je sais plus. Je crois pas que ça soit le 1. Oh. Ouais, je crois que c'est dans le 2, enfin bref. Fatal Fury, non, et puis c'est le truc avec Ryu et Ken et Léa Doken, hein, c'est ça? Non, c'est celui avec Mai Shiranui et ses poumons. Parce que Fatal Fury, le premier, déjà, il faut, pour ceux qui ne se souviennent pas, on avait le choix entre trois personnages. Hein. Oui. On avait Andy Bogart, Joe Hisaishi et Terry Bogart. Le jeu, surtout, ce qui terminé. Est différent, c'est que tu pouvais changer de plan. Il jouait surtout sur ça. Ouais. Et tu changes de plan. Pour revenir aussi à ça, Art of Fighting, le premier Art of Fighting, vous aviez le choix entre deux personnages. Ouais. Deux. Ryo Sakazaki. Ryo Sakazaki, oui. C'est entre autres pour ça que ça ne faisait pas vachement rêver, quoi. Oui, mais après, en termes de jeu en lui-même, les zooms, la puissance des coups, les furies. Ah, mais par contre, les Art of Fighting, c'était quand même mieux que les World Heroes. Hein. Là, j'ai joué à... Oui, c'était beaucoup plus galère. C'est quand même très raide aussi dans le gameplay. Oui, mais c'est quand même mieux. Le premier est très, très raide. Après, de toute façon, les Art of Fighting ont toujours une maniabilité différente. Oui. Ils vont changer avec les King of Fighters. Ils ont amélioré le concept. L'autre jeu pour moi, parce qu'il est sorti juste avant Fatal Fury Special, qui pour moi vraiment représente le premier jeu que je me suis mis à considérer sur la console, c'est le fameux Samurai Showdown. Ah bah voilà, et c'est pour ça que j'ai acheté la Neo Geo. Ouais, bah moi par dépit, je jouais à la version Super NES. Je laisse imaginer mon dépit. Et le jeu, franchement, je l'avais dans ma salle d'arcade à côté de mon lycée. Quand j'allais à la récré, un œil à chaque fois. Ça, je bavais dessus, hein. C'est vraiment dans la et donc forcément ça marque. Hein. Ouais, mais Samurai Shodown est fantastique. C'est encore à ce jour, je pense, le meilleur jeu à l'arme blanche existant. Bah, il me semble qu'en jeu de combat pur, c'était le premier à le faire. C'est pas. Alors, Last Blade, c'est pas des jeux à arme blanche en réalité. C'est des jeux. Après, Last Blade, ça reste mon jeu de combat préféré sur la machine. Ouais, mais je veux dire, ça reste mon jeu ultime. C'est Last Blade. En réalité, ça se joue comme un jeu de combat au point, le Last Blade. Alors que Samurai Shodown, non, c'est vraiment un jeu à l'épée. Oui, où tu dois appuyer sur le bouton justement pour faire ton duel d'épée. Oui, oui, non, mais après. J'ai aussi retrouvé Fatal Fury 2, donc le thème de Bowser. Avec la musique. Et donc, oui, Beyond, je t'ai coupé la parole. C'était pour lancer justement sur la série. Ah oui, d'accord, c'est Mario Shodown. Il est fantastique. Alors, très fort, parce qu'il arrivait à combiner, outre le combat à l'arme blanche, on avait les zooms d'Art of Fighting qui étaient présents. Voilà, oui. Mieux maîtrisé. Voilà, et puis avec un chara-design fantastique, avec des graphismes ultra fouillés, mais enfin, Des décors magnifiques, une musique. Ouais. Musique merveilleuse. Mais voilà, puis un univers japonisant, mais... Parce que j'allais dire, on a une DA qui est fantastique. Voilà, à l'époque Japon féodal, mais d'une beauté à tomber, quoi, vraiment. C'est... Bah, surtout à Omaru, tout le monde s'en rappelle. Bah oui. N'importe qui a joué au jeu. Bah oui. Kororu, c'est pareil, quoi. Charlotte. Voilà. Et elle, ouais, elle est terrible, hein, franchement. Dans ma collègue, j'ai un artbook SNK qui date de 95-96. Il y a des artworks de la série, donc Samurai Spirit. Wow, putain, ça envoie du pâté. Hein. Ouais. J'avoue. C'est bon, chouette. Hein. Et ça pour dire, donc avec Samurai Shodown et Fatal Fury Special, on est à la fin, enfin surtout FF Special, on est à la fin de l'année 93. C'est-à-dire, on est à un moment où la Super Nintendo et la Mega Drive sont déjà bien implantées et où on commence déjà à regarder vers l'avenir et à parler des futures consoles 32 bits et à parler de 3D et tout ça. Ouais, ouais. Et oui, ils sont encore là, quoi. Alors que sur SNK, on n'avait vraiment pas terminé avec la 2D. Hein. Ça allait atteindre des trucs, mais du niveau d'art, hein, franchement. Enfin... Bah, qui, à cette époque, aurait pu dire qu'il allait sortir des jeux pendant encore 10 ans ? Ouais. Ah oui, mais alors, ça, tu sais. Parce qu'on a, en plus, on a oublié un jeu de la Neo Geo qui. Carabin ? Non, Metal Slug. Hein. Non, mais on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore, ouais. On en est loin, hein. Au niveau des le premier, il est sorti en quelle année ? Dans les sorties, bah, Metal Slug, c'est quoi ? C'est 96, je crois. Ouais, oui. Hein. Donc là, on a encore deux ans. Bah, c'est ça le truc, c'est que Metal Slug, oui, c'est un jeu qui date de 1996. Ouais. Donc on n'y est pas encore, loin s'en faut. Ouais. Encore, oui, alors, voilà. Justement, ce que tu disais, Bianc, c'est vrai qu'il y a une époque, je me rappelle, quand on commençait justement à parler des consoles nouvelle génération, oui, tout le monde voyait vraiment la fin de la Neo Geo en disant c'est le dernier jeu. Je me rappelle, je vois, ça c'est le dernier coffre, c'est le dernier coffre. Puis il y en avait un, et c'était le premier, je vois, c'est 94, 95, 96, c'est tous les autres qui avaient droit, quoi. Enfin bref. Voilà. Bah, bon, puisque t'en parles, donc oui, on salaud. Parler de. Quoi ? Bah non, mais je pensais qu'on allait faire dans l'ordre, mais pelle direct, quoi, les bouts, on parle de coffre. Mais voilà, c'est-à-dire en 94, SNK a l'idée de faire une espèce de, comment dire, de réunion de ces jeux de baston. Voilà, et de créer un système de combat par équipe et d'appeler son jeu The King of Fighters. Oui, c'est l'une des meilleures idées qui ait jamais été. Carrément. Honnêtement. Et là, autant Capcom a inventé le versus fighting moderne avec les combos dans Street Fighter 2, autant KOF 94 a inventé vraiment le tag team. Ouais. C'est rigolo parce que c'est l'avance majeure. C'est quelque part une idée qui coûte rien, mais c'est pour le coup une idée. C'est une idée de génie. Génie. Parce que Tag Team, soit dit en passant, que Capcom reprendra un peu plus tard dans les séries des Marvel vs Capcom, vs Street Fighter, etc. Bah oui, complètement, oui, c'est vrai. Ouais, avec une petite nuance quand même. Hein. C'est que là, tu tues un perso, tu peux pas mixer, voilà, le round se termine, tu reprends de la vie. C'est pas du tout la façon des tags dans Marvel. Là, tu peux pas faire intervenir un perso et l'économiser. C'est la première idée, c'est la première fois qu'on choisit plusieurs personnages. Et surtout des personnages qui ont rien à voir. Oui. Vraiment faire des mélanges assez. Mais ouais, mais en plus, ça rassemblait tous les univers. Ça donnait une cohérence à l'univers SNK. C'était vraiment intéressant. Et en plus, les personnages étaient ensemble. Enfin, dans le select screen, ils étaient tous amalgamés par équipe qui venait d'un jeu qui avait. Chaque équipe avait son thème. C'est ça. Mais on avait quand même le choix de garder les équipes ou de faire ce qu'on voulait. Ça faisait même venir des personnages de Metal Slug, hein. On en parlait tout à l'heure, c'est quand même fou. Par la suite, ouais, pas dans 94, forcément. Pas dans 94, non. Ah, quoique si. Quoique, tu as déjà Ralph et Clark dans l'équipe Brésil dans 94, si. Oui. Ah bon, ok. Ouais. C'est rigolo, c'est des jeux, en fait, que tous les deux ans, la salle d'arcade mettait à la disposition, mais à chaque fois, on avait quasiment les meilleurs, en fait. 94, 96, 98, 2000, quoique le 2000, j'ai pas très joué, mais... Quasiment joué à tout. Que je suis très friandé. Bah, ce qui va se passer avec King of Fighters en particulier, c'est que on est en 95 pour KOF 95, comme ça l'indique. Là, on va être en plein dans le boom des consoles 32 bits de salon, la PS1 et la Saturn. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment s'en sortent ces consoles dans les adaptations. Par exemple, King of Fighters 95 sur Saturn, puisque c'est un cas très particulier, sera accompagné d'une cartouche qui pourra mettre dans la console une cartouche ROM. C'est une cartouche ROM pour cartouche 95, ROM. Parce qu'elle est utilisable uniquement avec ce jeu qui contient une partie des données pour pouvoir faire en sorte que le jeu soit plus rapide, plus agréable à jouer et plus rapide dans ses temps de chargement aussi par rapport à. Alors que la version PS1 n'avait pas ça. Mais la version PS1, au niveau de nombre de la palette de coups et des frames d'animation a été bien saccagé. Ah oui. Oui. Ah mais totalement, je le sais, parce que j'ai beaucoup joué. Et donc, et après, il y avait une autre alternative quand même pour jouer à ça, sous le temps passant, parce que c'est les King of Fighters qui me le rappellent. Il y aura un peu plus tard un Neo Geo CD. Oui. Ouais, mais bon, c'est des Z mieux. Voilà, le problème, c'est qu'un lecteur Unix pour jouer à King of Fighters qui doit charger 6 personnages d'un coup, c'est pas une bonne idée. Non, c'était une très mauvaise idée. Voilà. La CDZ, c'était quoi, x2 Oui, c'est un lecteur x2. Ben, l'air de rien, c'était quand même nettement mieux. Oui, on avait le problème majeur, c'est que les temps de chargement duraient presque aussi longtemps, voire plus longtemps que les rounds eux-mêmes. Ce qui est fond. Bon, voilà. Bref, tout ça pour dire que la Neo Geo, certes, elle faisait pas de la 3D, mais en termes de 2D, la PS1 et la Saturn crachaient leurs poumons pour tenter de reproduire les jeux. Totalement. Ah ouais, non, mais... Il y avait un petit jeu, on n'a pas parlé vite fait, c'est un petit jeu de basket qui s'appelait Street Slam. Oui. Qui était, me semble, pas dégueu. D'accord. Street, c'est quoi, c'est Street Hoop? Ouais. Non, ouais, voilà, ouais. Il me semble d'ailleurs on retrouve le personnage. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est du streetball et moi je suis fan, mais en même temps j'adore le basket. Ouais. Donc... Et il me semble que Lucky dans Coff, c'est un personnage du jeu de Street Hoop, non? Un truc comme ça? Je sais pas, honnêtement, je pourrais pas te dire. Là, je sais pas. Bref. Mais oui, Street Hoop, après, ça reste de l'arcade. C'est... Tu mets des coups, tu fais des dunks de malade. C'est du street. C'était cool. Et donc, SNK va continuer pendant des années King of Fighters avec ses autres séries en parallèle. Je ne sais pas comment expliquer, mais ils vont arriver à faire évoluer à la fois les King of Fighters et par exemple les Fatal Fury. Oui. En et parallèle. Les garous. Fatal Fury qui va justement donc connaître deux évolutions majeures, à savoir après donc les épisodes 1, 2, spécial et 3, ça va devenir Real Bout, Fatal Fury. Oui, c'est vrai. Et une fois qu'on aura fait des Real Bout 2, spécial... Il y aura le GOTY. On va arriver sur du Garou, Mark of the Wolves. Considéré, bon, je ne vais pas spoiler, même si c'est un des derniers jeux sortis de la console, considéré encore aujourd'hui comme un des meilleurs jeux de baston 2D ever. Tellement encore beau, en tellement partout. Maniable. Ouais. Ça magique. Les musiques aussi, attention. Tout. Garou est vraiment, pour moi, enfin, Garou d'un côté et Street Fighter 3.3 de l'autre, c'est vraiment deux jeux qui, pour moi, c'est le summum du versus fighting 2D, ouais, avec une animation folle. Il y en a, ils mettent le KOF 98 avec aussi. Oui, mais je trouve que techniquement, Garou et Street 3.3 sont quand même trop cran dessus. Après, moi, je mets une pièce pour Last Blade 1 et 2, mais c'est parce que c'est... L'ambiance, voilà. C'est l'ambiance univers. L'aspect de 2 est fantastique aussi. J'ai eu 2, il me semble, ouais, sur MVS. Après, ça reste des jeux que j'aime, mais vraiment. Par contre, moi, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup aimé, Last Blade 2. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, moi, Là, on est arrivé quand même dans le maximum de ce que pouvait offrir la 2D. Hein. C'était vraiment l'aboutissement ultime. La 2D, mais. Et aussi, un constat assez fou avec Neo Geo, qui, quand on y réfléchit, le principal obstacle, finalement, à ce que les graphistes pouvaient créer pour la console, et les concepteurs pouvaient créer, c'était pas les capacités de la console elle-même, du hardware, oui. C'est plus le poids du jeu. Et voilà, c'est ça, ils se laissaient libre cours à toute leur imagination, ce qui me fait... justement dire entre parenthèses, alors je sais pas si c'est une légende justement, mais apparemment les graphistes travaillaient pixel par pixel en fait, hein, leur personnage sur Neo Geo, ils les dessinaient eux-mêmes à la main, sur écran. Oui. C'est du travail de titan, quoi. Ça existe plus, ça. C'est de la folie totale. Le dernier jeu qui était un peu comme ça, me semble, c'était KOF 13. À l'époque de la 360, quoi qu'il était quand même moins beau qu'à l'époque, mais bon. Juste pour donner une idée, c'est que les premiers jeux Mega, donc Neo Geo, on parlait des fameux 100 Mega Shock. Ça veut dire que les cartouches faisaient 100 mégabits. la limite maximale théorique de la console, c'était 330 mégabits. Et se sont assis dessus. Hein. Les derniers jeux faisaient entre 700 et 800 mégabits. Oui, oui. Je ne sais pas si les gens ne se rendent peut-être pas compte, ceux qui n'ont pas connu la console, pour ce que c'était. On mettait ça à l'échelle d'un jeu 16 bits. Bah, un jeu CD, c'était maximum 600. Non, 700. Les CD, c'était ouais. 700. Voilà. Un jeu CD, là, c'était une carte sur PlayStation et tout. Voilà. Et là, on n'avait pas sur les jeux Neo Geo des cinématiques d'une demi-heure. Ouais. Ou des musiques qualité CD, tout ça. Non, c'était vraiment du... Enfin, voilà, la console, le hardware lui-même était pas une limite. C'est comme si, oui, voilà, c'était ce que les gens étaient capables de créer, la limite. Bon, non, toujours dans le... On voyait les effets spéciaux, hein. On en a parlé Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est la qualité des voix digitalisées. Oui. T'avais absolument pas ça ailleurs. Ça. C'est clair. Et le son, c'était quelque chose qui était c'est ça qui posait le plus. En plus, il me semble que pour le MVS, il y avait des slots spéciales son. Il y avait des jeux qui étaient avec un son spécial, il me semble. Je crois que regarder. Pas tous les jeux, mais de mémoire, il me semble qu'il y avait. C'est même rigolo parce qu'en fait, tu as. L'architecture de la machine, elle est un peu bizarre étant donné que tu as un processeur sonore et tu as une autre puce qui gère le rendu sonore. C'est assez particulier. Oui, non, c'est les cartouches des Neo Geo AES, ouais, le Sphero Symphony. D'accord. Et en fait, c'était un son stéréophonique. Ils avaient implanté ça dans les cartouches. Et il y avait quoi? C'est quoi comme jeu? Ben, beaucoup de jeux de première génération. Fatal Fury 2, Art of Fighting et tout, et... On n'a jamais su pourquoi ils avaient fait ça, mais ils avaient développé une technique spéciale pour que le son soit meilleur sur les cartouches. Mais au final, ils l'ont jamais. Ils l'ont fait au début. Étant donné que c'est aussi leur bébé, leur machine, ceux qui ont tout développé aussi de A à Z, bon, c'est pas étonnant que tu puisses trouver aussi après des facilités de contourner les codes que tu as toi-même imposés. Généralement, quand tu essaies d'imposer une norme, tu te dis toujours est-ce que par la suite on va pas réussir à trouver et vouloir faire mieux aussi. Non, mais après, en termes de son, ils savaient comment faire pour... Étant donné aussi que tu peux aussi bypasser pas mal de trucs, je ne suis pas pour le coup certain de ce que j'avance, mais dans ce que j'avais compris à l'époque, apparemment, tu peux aussi rajouter de la RAM dans le jeu que tu aurais besoin. Donc tu mets de la RAM directement dans la cartouche pour rajouter à la RAM qu'il y a dans le système. Il me semble que tu as pas mal de trucs comme ça que tu peux contourner comparé à quelque chose d'un peu plus figé. Comme par exemple, admettons la PlayStation, comment tu fais pour rajouter de la RAM dedans? Des berniques. Bon, pour la Saturn, t'as le port cartouche qui te permet de rajouter ce genre de truc, t'as les fameux RAM packs. Ouais. Et Fury dans le chat nous dit que la puissance normalement devrait faire passer de la pub, des spots de pub. C'est pour ça que le son de la console est aussi bon. Ok. Je savais pas ça. Et donc oui, je suis en train de lire les jeux qu'on a oubliés. Petite parenthèse Puzzle Game parce que Puzzle Bubble, je crois que c'est le plus emblématique de la console. Bah, j'espère que vous allez parler du meilleur. Hein. On a aussi Panel de Pone. Twinkle Star, je suis pas connu. On a aussi on a aussi Magical Drop. Qui est très bien. Magical Drop 2 et 3 qui sont très très bons. Et après, comme tu dis, on a les jeux plus obscurs. Comme donc le fabuleux Twinkle Star Sprite, très cher au cœur de... Je l'ai eu ça en plus. Oh, mais moi, c'est un de mes jeux préférés sur cette machine. Alors, déjà, sur les temps passants, c'est un jeu ADK. Hein. Mmh. ADK, c'est même que Wordy Rose. Hein. Mais, donc, comme quoi, ils pouvaient faire des bons jeux. L'idée de Twinkle Star Sprite, tu veux expliquer, Boss Dick, l'idée du jeu? Ouais, parce qu'il est original. Comment dire, c'est un shoot puzzle game. Oui, c'est déjà. C'est un shoot them up où il faut tirer dans un bon sens pour pouvoir faire des combinaisons et tuer ton adversaire. Oui, parce que c'est un jeu de versus en plus. Hein. C'est un jeu de versus. Voilà. Chacun son côté de l'écran et en fait, on t'envoie des trucs et il faut tirer dessus d'une bonne manière pour que ça les renvoie à ton adversaire qui se les prenne dessus et qui meurt. Non, j'ai des conneries, je l'ai pas eu Twinkle Star. Ça me paraît bizarre, j'ai regardé un peu l'artwork de la boîte, ça m'aurait marqué. Bon, j'ai beaucoup joué, mais je l'ai jamais eu. Très bon jeu. Après, Twin Caster Sprite, évidemment, fait partie de ces jeux où, pour en trouver un exemplaire... C'est pour ça que j'avais un doute. J'ai regardé quand même l'artwork de la boîte et ça ne me dit rien de l'avoir eu en MVS, pour le coup. Et pour niveau des jeux de puzzle, je rajouterai mon petit préféré à moi, moyennement connu parce qu'il n'est pas sorti sur AES, il n'est sorti qu'en arcade, qui est le fameux Money Puzzle Exchanger. Money Idol Exchanger suivant le pays, qui est le même principe en fait que Magical Drop, sauf qu'au lieu d'assembler des boules de couleurs, vous devez assembler des pièces de monnaie en fonction de leur valeur. Ah oui. Et le jeu est génial. Franchement, le jeu part d'une super idée de base et qualitativement, moi, c'est un jeu que j'adore. J'ai joué des heures à ce truc et j'adore. C'est un des jeux vraiment que j'étais le plus content de découvrir en émulation sur cette console. Ce qui est assez rigolo avec la Neo Geo, c'est que l'éditeur qui voulait absolument pas s'associer avec Capcom, associé avec SNCOM comme Hudson. Tu as aussi Data East aussi. Pour le coup, voilà, pour ça, tu te retrouves avec deux jeux Bomberman deux jeux avec la licence Bomberman sur Neo Geo, comme Neo Bomberman. Ouais. Je pense le plus beau Bomberman en 2D qui ait jamais été fait. Le jeu est magnifique. Et tu te retrouves même avec un Kunio-kun qui est dans le coin. De quoi? Kunio-kun. Ah oui, effectivement, oui. Tu as Dodgeball, c'est ça? C'est ça. Du Dodgeball, c'est ça, Kunio-kun. J'en parlais. Oui, n'oublie jamais aussi Double Dragon développé par Technos. Non, ça va aller. Oh, ça va aller. Mais il était pas si mal. Le Double Dragon. Moi, je me suis bien amusé avec. On parlait des sprites, celui du Dodgeball avec Kunio-kun, et les sprites sont absolument fantastiques. Les personnages. Carrément. Ils étaient dessinés, non? C'était incroyable. C'est parti de ces jeux, pour le coup, t'as beau. Pas aimer ou pas comprendre le dodgeball, t'as envie de comprendre un peu plus, pour tenter d'apprécier le jeu un peu plus. Il était beau, hein, le jeu. Ouais. Carrément. Rage of the Dragon, Fury Sanctuary, fait partie des... Là, c'est l'un des derniers jeux, il me semble, à sortir sur Neo Geo. Jamais joué, celui-là. Ben, à l'époque, j'ai pas réussi depuis, à l'époque, pour le faire tourner en émulation, c'était la misère. Rage of Dragons, c'est quoi ça? C'était compliqué. Ah, oui. Je vois ce que c'est. J'ai entendu parler, j'ai jamais joué. Et Fury, exclu RPG sur Neo Geo CD, moi j'en vois qu'une, c'est le Samurai Shodown. Oui, Samurai Spirit, Shodown et RPG, ouais. Ouais, c'est le seul, hein, il me semble. Je sais pas si on a d'autres qui sont sortis sur CD, sur Neo Geo CD, de RPG, mais. C'est le seul RPG, je crois. Vous êtes des salauds, j'ai la musique de Metal Slug dans la tête. Parlons-en de cette autre série quand même dont il faut absolument parler. Donc en gros, on est en quasiment mi-1996. Alors on est tous en train d'avoir des étoiles dans les yeux en voyant les premiers screenshots de FF7. Là. Et pourtant, Metal Slug sort sur Neo Geo. Et on réinvente le run and gun. Réinvente, on peut dire ça comme ça. Oui, ah mais totalement, merci Nazca. Et j'ai une histoire d'arcade qui est absolument intéressante. J'allais chaque année en vacances, il y a une salle d'arcade qui s'appelait Las Vegas. Pour ceux qui ont connu Las Vegas à Fort Barron-Plage. Et putain, je traînais là du matin au soir. Sauf qu'au bout d'un moment, le type soit me foutait dehors, soit je finissais par faire la tournée des bornes, vérifier s'il ne restait pas des crédits ou des pièces dans le monnayeur. Un jour, il m'a dit, vas-y, tu veux pas aller me chercher un sandwich en face de la rue? Bon, étant donné que je suis quelqu'un de sympa, j'ai dit oui. Puis en revenant avec son sandwich, il dit, mais c'est pas compliqué, je choisis une board, je te mets des parties. J'ai dit, Metal Slug. Il m'a mis un truc comme 20 crédits, donc j'ai pu terminer le jeu, mais pour le coup, largement, parce que je le connaissais comme relativement par cœur. Par contre, quand t'as terminé le jeu, c'est après genre une demi-heure ou 40 minutes la première fois, que t'as pas beaucoup d'expérience de taper sur des boutons comme un teubé, et qui te reste en fait des crédits dans la machine, en fait, t'es un peu dégoûté. Donc, pour le coup, en fait, j'ai revendu à un pote qui passait par là, j'ai dit, tiens, il y a 5 crédits Metal Slug, au lieu de payer ça 50 francs, tu me donnes 10 francs, et puis c'est bon. Voilà. C'est escroc. Mais pour le coup, j'avais déjà terminé le jeu, tu vois. Donc, Metal Slug est une série qui va connaître de nombreuses suites. On va en parler rapidement. Metal Slug 2 n'est pas le jeu le plus réputé du monde parce qu'il a quelques déboires techniques qui ont été corrigés dans la vraie fausse suite entre guillemets Metal Slug X qui est juste un Metal Slug 2 plus. T'as quelques sprites qui ont été redessinés, t'as une bonne partie, attention, pas tout, t'as une bonne partie du lag qui a été enlevé, mais pour le coup, en termes d'accessibilité pour celui qui découvrirait un peu la franchise, le 2 avec les lags est un peu plus facile d'accès. Oui, c'est cool. Voilà. Mais bon, sinon, il me semble que t'as aussi des nouvelles voies digitales. Oui. Qu'est-ce que ça ? T'as aussi la possibilité de devenir gros quand tu bouffes. Mmh. Alors qu'apparemment, c'était possible que plus loin dans le jeu, je crois. Enfin bref, des conneries comme ça. L'apogée de la série Metal Slug, je crois que tout le monde s'accordera à dire que c'est le troisième épisode. Sorti quelques temps après Garou, Mark of the Wolf, c'est juste avant KOF 2000. Juste si je peux rajouter un dernier truc sur le 2 et le X, la différence majeure quand on y joue les premières fois, c'est le boss, il me semble, du stage 1, où on arrive avec les homing dans le 2 ou dans le X, et apparemment ça a été corrigé dans l'autre version. Voilà, où on arrive avec le Heavy Machine Gun. Voilà. Heavy Machine Gun. Sachant que Metal Slug 3, d'un point de vue artistique, c'est un jeu, c'est fou techniquement, le jeu il est fantastique. Il est dur par contre. Mais voilà, c'est là on a aussi l'apogée du coin-op et du principe. C'est ça, c'est du jeu d'arcade. Hein. mais tu vois, autant le 1, le 2, le X, tu peux. Attention, si tu commences vraiment à apprendre le jeu et jouer sérieux, tu peux faire le One Credit facilement, il n'y a pas de problème, facilement. Effectivement, tu peux. Le 3, je l'ai eu. J'arrive à faire des prestations correctes, genre tu le termines avec 2-3 crédits, c'est honorable. Jamais j'ai eu envie de le faire en un crédit. Jamais. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'aime bien le jeu. Hein. Bah oui, mais Pillon, c'est exactement ce que tu disais au début en commençant. Il est plus long. C'est irréprochable, ça c'est évident. Quoi. Mais moi, ça m'a jamais plu, moi, le. Je vais peut-être me taper les foudres de plein de monde. Mais moi, j'ai les Metal Slug, ça me saoule. Non, bah, ça c'est vous. Moi, j'ai pas bien quoi. Les foudres, je fais les foudres. Non, mais c'est vrai, je trouve ça trop punitif. T'as le droit. Non, mais je comprends tout à fait. Il faut en vouloir. Il faut vraiment envie de s'investir dans le jeu, quoi. Parce que. Et c'est des jeux. Dans les derniers, ceux que j'avais touchés, je sais plus les numéros que c'était, parce que. On en parlera après, mais ça ressort dans. Mais je veux dire, c'est que c'est des jeux, ils sont pas finissables en réalité, quoi. Pas moins d'enchaîner les continus, du coup. Enfin, tu vois, c'est. Sur le hardware Neo Geo, il y en a eu 5. C'est le 5 le dernier. Enfin, 6 si on compte le X. Ouais. Ouais, enfin, mais voilà. pour le coup, le 3 est aussi. Il me semble, je me souviens plus exactement. J'y ai pas joué depuis 6-7 ans. Enfin, quand je dis joué, fini. Il me semble qu'il est plus long aussi que le 2. Donc, quelque part, quand tu viens à faire du 1 crédit sur Metal Slug 1 ou le 2 ou le X, et que tu as envie de tirer le 3, tu dis le jeu, déjà, il est dur, il est quand même pas mal plus dur, mais en plus de ça, il est plus long. Donc, bon, c'est peut-être aussi un frein. Juste pour préciser par rapport à ce triptyque, la sortie en l'espace de quelques mois, à savoir Garou, Metal Slug 3 et KOF 2000. Faut savoir qu'en même temps, les gens qui jouaient à des consoles de jeux de salon jouaient à la Dreamcast. Et qu'il y a eu des adaptations de ces jeux sur Dreamcast, en particulier Garou et KOF 2000, et que Garou, la version Dreamcast, est réputée comme étant pas terrible parce qu'au niveau de l'animation, des frames d'animation, il manque des choses. Même la Dreamcast, elle avait du mal. Hein. Et voilà. Ah oui, parce que c'était pas adapté au hardware. C'est, tout simplement. Ouais, mais bon, la Dreamcast, elle avait quand même Street Fighter 3-3, quoi. Ouais, attention, mais le jeu avait été développé sur Dreamcast, jamais. Hein. J'ai eu le jeu, jamais. Tu oublies. Pas toi sur Dreamcast, les spécialistes diront que c'est pas les mêmes timings que l'arcade, oui, qu'il y a des choses qui ont été changées, qu'il y a... Voilà. C'est pas une adaptation 100% parfaite non plus. De quoi, pour le 3-3, tu veux dire? Un 3-3, oui, carrément. Il n'y a pas eu d'autres versions console, de toute façon. Ah si, PS2. Xbox. Ah ouais, mais c'était plus tard. Sinon, t'as la version 360 PS3 qui était ressortie. Là, ils vont sortir dans quelque part. T'as Celui sur la Switch, de toute façon. Ah oui, non, complète, attends. Moi, ah oui, non, mais vous parlez du Alpha 3 ou Non, le First Strike. Ah oui, d'accord. Ah, mais je pensais que l'épisode Dreamcast First Strike était l'ultime. Le First Strike et la version ultime, ça reste la version arcade pour la plupart des gens. Ils te diront. Oui, voilà. Que le CPS 3 aussi, en termes de puissance brute, c'était quelque chose. Et ensuite, donc les plus grosses sagas entre guillemets ont survécu jusqu'en 2004. Donc les King of Fighters, Metal Slug et Samurai Shodown. Oui. Toujours là, le bon vieux Samurai Shodown. Juste, je voulais mettre en lumière un jeu qui, enfin pour moi, c'est un petit peu comme le jour où Sonic est sorti sur Game Boy Advance. C'est donc le fameux SVC Chaos, SNK versus Capcom. Oh, fuck, j'aime pas ce jeu. Non, mais bon, pas bon, peu importe. On a un jeu Capcom sur du hardware SNK. C'est la même chose pour moi que le jour où Sonic Advance est sorti sur GBA. Voilà. Un jeu Capcom sur du hardware SNK, il s'appelle SVC Chaos, donc c'est SNK versus Capcom. C'est pas un jeu Capcom. Oui, mais Capcom était dans le coup, de manière ou d'une autre. Ouais, oui, je comprends bien, parce que c'est vrai que c'était un fantasme de gamin, savoir. Les deux meilleures boîtes en jeu de combat qui s'associent pour sortir un jeu. Bah oui. On est content, oui. Ouais, c'est clair. Et donc, oui, bon, c'est sûr que le Capcom versus SNK aura plus de. Surtout le second Capcom versus SNK. C'est le S2, ouais. Ouais, sur Dreamcast, aura bien meilleure presse que ce SVC. Oui, parce qu'il est bon, parce qu'il est. SVC Chaos, il n'est pas si dégueulasse. C'est pas celui-là où on peut jouer avec l'alien de Metal Slug C'est la maniabilité qui. Ouais, après, il y en a un aussi, on oublie tous, qui est SNK versus Capcom Match of the Millennium sur Neo Pocket. C'est mon jeu de baston préféré sur console portable, là, tout simplement. Mais le jeu Pocket, c'est très bien aussi, mais on en parle. Je dois avouer que j'ai découvert ce jeu à l'époque D-Live Entertainment à cause de Frionel, qui n'arrêtait pas d'en parler. À un moment donné, je me suis dit, je vais essayer le jeu. Puis en fait, au bout de 5 minutes, j'ai dit, putain, en fait, ce jeu, il est trop bien, il faut que je l'achète. C'est ça, donc oui, dans SNK, dans SVC Chaos, on a bien donc le Mars People de Metal Slug 2, donc les aliens, et du côté de chez Capcom, on retrouve en boss caché Firebrand. Voilà. Red Arriver. Et il y avait Noctis ou pas, du coup? Bien sûr, toujours dans les bons coups. Toujours là au bon moment avec ses pains et ses croissants. Mais par contre, je veux pas te hyper, moi, mais il y a Zéro. Le nom du jeu, vas-y, redis. Il va lui falloir une Neo Geo. SVC Chaos, SNK versus Capcom, tu as Zéro dedans. Non, mais de toute façon, il est aussi dans les Marvel versus Capcom, Zéro, et c'est pas pour ça que je les ai achetés. Gna gna gna, il dit ça, mais il a déjà coché et tout, il a déjà fait ses comptes pour pouvoir acheter. Sur les jeux de baston, moi, oula, oh. Ah, j'adore, hein. Mais qu'est-ce que je suis nul, mon dieu! Quelle horreur! je vous avais déjà parlé de mon niveau à Tetris. Je pense qu'il est un cran au-dessus, tu vois, mais c'est le cran. J'y ai plus joué qu'à Tetris, tu vois, c'est juste ça. C'est... Quelle horreur! Mais tu parlais de Samurai Spirit qui avait duré longtemps, mais c'était pas celui-là qui était censé faire le nouveau. Le line-up de sortie de la nouvelle console de SNK? Bonne question, parce que les derniers SVC, les derniers Samurai Shodown, c'est le 5 et 5 spécial. C'est le Samurai Shodown 5 spécial et le tout dernier jeu sorti sur le hardware. Parce qu'ils ne voulaient pas faire un Samurai 64? Bah, ça existe, je crois, non? Hyper Neo Geo, je ne sais pas quoi, non? Alors, il faut parler de ça, vous êtes sûr? Fatalement, il y a un moment où on va devoir en parler. Hein. Alors, rapidement, je vais juste mentionner un tout dernier jeu sur la Neo Geo de base. Il y a deux jeux majeurs auxquels on n'a absolument pas parlé. Enfin, si on les a un peu abordés, mais. Majeurs, c'est-à-dire Takov 98. Je l'ai parlé un petit peu. On a parlé de la série des King of Fighters, oui. Le 98 est un des plus réputés. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le 2000. Et Beyond. Non, dis pas ça. Oh, David, oh la vache. Désolé. De quoi dis pas ça? Je comprends pas. C'est d'accord avec moi, ça va pas. Mais, ah oui, d'accord, mais oui, bien sûr. Il faut qu'on cut le podcast parce qu'ils sont d'accord tous les deux. Ça, on avait ouais, dit ça non. Va pas, ouais. Et oui, le 2000 est génial. Et là, pour le coup, j'y joue très souvent parce que je l'ai, le 2000 aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Et l'autre jeu majeur, Chou, qu'on a oublié, de toi? Ben, Mark of the Wolf, on n'a pas parlé, en fait, des masses. Hein. On a dit quoi, trois mots? Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé en disant que c'était un des meilleurs jeux de baston de l'univers. Moi, j'ai dit que c'était... Voilà, tu peux pas faire mieux en termes de musique, en termes d'animation, en termes de tout. Il est utile. C'était le meilleur jeu. Voilà, comme ça, on a fait le tour, on peut passer à la suite. Voilà. Et donc oui, je voulais rapidement mentionner un jeu que personne ne connaît, pour cause, il n'est pas sorti sur iOS, uniquement sur MVS, mais ça s'appelle The Irritating Maze. Je pense que vous connaissez les gens, les jeux où il s'agit dans la vie réelle de faire passer un objet entre deux trucs en métal, et si vous touchez l'un des deux, ça buzz. Ah putain. Ah oui, donc ce jeu porte très bien son nom, en fait, c'est ça. Voilà, vous connaissez Kuro Kuro Kururin, voilà. Eh bien, oui. C'est un peu ça, sauf que c'est sur Neo Geo, ça s'appelle The Irritating Maze. Et si vous kiffez pas vraiment votre race, il y a même une suite sur PS1. Ouais, qui s'appelle Irritating Stick, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Voilà, je connais. Alors, par contre, c'est super facile à jouer. C'est le principe, vous avez compris en 3 secondes comment ça marche, il n'y a aucun problème. C'est vraiment une suite, Irritating Stick, ou c'est un peu. Non, c'est une suite. Apparemment, c'est la suite. Ouais. Non, apparemment, c'est pas ça du tout. Mais par contre, t'as peut-être raison, hein. Si, Sorus, ouais, effectivement, c'est les mêmes devs. Je connaissais pas, mais quand tu dis en 3 secondes. Et ça existe en PAL, je crois, Irritating Stick. Non, il n'est pas existé pas en PAL. Il est sorti uniquement au Japon. Et aux États-Unis, pardon. Ok, moi j'ai rien dit. Oui, donc, tu disais PAL, pardon. Je sais plus. Le principe en 3 secondes que tu parlais. Oui, non, juste quand tu disais que le principe, tu le comprenais en 3 secondes, c'était vraiment le principe de l'arcade. Fallait un gameplay immédiat, quoi. Voilà, quoi. Voilà. C'était plus jubilatoire quand tu joues à ça, c'est clair. Et donc, voilà, les suites entre guillemets d'un Neo Geo, c'est déjà une tentative en arcade d'un nouvel hardware de la part d'SNK avec la Neo Geo 64 qui a fait un four. Joli petit four, hein, qui s'est un peu fait marcher dessus. La Neo Geo 64. Hyper Neo Geo 64. Ouais, Hyper Neo Geo 64. Vous êtes sérieux là? Oui, ça existe. Hein. Bah oui, c'est. Oui. Merde, bouge pas. Je crois qu'il y a que 7 jeux. Hein, sortis. Ah oui, mais oui, voilà, là, mais oui, ah, mais oui, parce que moi, quand je parlais de faire console Mania 64, bien sûr, je parlais de ça. Hein. 7 jeux, ça va. Je... Alors, si tu veux jouer sur l'hardware original. Non, mais non, mais non. Oui, voilà, parce que ça va être un peu. Ouais. Peut-être compliqué pour toi. En plus, toi qui aimes pas les jeux de baston. C'est mort. Je te dis franchement, t'as quand même 4 jeux de baston sur 7 et 2 jeux de course et un rail shooter. J'aime les jeux de baston, c'est eux qui m'aiment pas. Voilà. Pas pareil. Donc si vous voulez voir ce que ça donne Fatal Fury ou Samurai Shodown dans une 3D moche, totalement. Voilà. D'ailleurs, au Wild Ambition, ils l'ont pas. Pardon. Fatal Fury Wild Ambition, oui, ils l'ont ressorti sur PS1, ça. Oui. C'est nanar, oui. Oui, c'est on oublie, ça n'existe pas. C'est comme. Je l'avais eu en import à l'époque, celui-là. Putain, qu'est-ce qui m'a fait rire, ce jeu. Rire, non, pleurer, oui. Parce non, ouais, je me suis demandé comment on pouvait faire ça. Il m'a fait rire parce que je l'avais eu à prêter un week-end. Oh putain, qu'est-ce que j'avais prêté? Tobal numéro 1, je crois. tu t'es fait avoir. Ah, oui. Moi, je l'ai prêté. Si t'as prêté Tobal numéro 1 quand t'as fini Wild Ambition. Tu t'es fait avoir. Ah oui. C'était trop beau ça. Bon, par contre, sur le coup, SNK sortira donc une autre console où ils se planteront légèrement moins, la fameuse Neo Geo Color, enfin Neo Geo Pocket. J'adore. Et justement, dans un premier temps, il a Neo Geo Pocket tout court, après qu'ils se disent que finalement la couleur c'est mieux, qu'ils en sortent sous la forme de Neo Geo Pocket Color. Oui. Et qui sont une troisième itération au Japon qui s'appelle la Shin Neo Geo Pocket Color, qui est légèrement différente en termes de design, mais qui est quasi identique à la précédente. La seule chose, j'ai l'habitude de dire que la seule chose qui manque à cette console, c'est un rétroéclairage. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'elle a un des meilleurs sticks de l'univers. Oh putain, le stick, c'est une merveille. fabuleux. Mis à part le petit cliquetis qui, voilà, mais... Il y a aussi des features qui sont absolument excellentes. Tu peux te faire réveiller par ta console. Oui, c'est l'horoscope aussi. Et je dois avouer une chose. Début des années 2000, je voyais cette console en import pour être chez moi. Je bavais devant la vitrine. Sans rien. Alors que pourtant, la GBA, il me semble, elle devait sortir 2 ou 3 mois après. Je n'en ai rien à foutre, c'est ça que je voulais. Quand j'ai commencé à collectionner, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est, écoute, voilà, j'arriverai pas à en trouver en magasin, j'en achète une sur Internet, et j'y rejoue très souvent. J'ai l'habitude de dire que c'est ce que j'appelle ma console des toilettes, savoir que c'est la console que je laisse dans mes toilettes avec un ou deux jeux quand j'ai 5 minutes à perdre dans ma forteresse de solitude. Mais j'adore cette console. Par contre, j'attends avec impatience le jour où ils nous feront, comme pour la GBA classique, un kit où tu peux voilà, glisser voilà, ton écran rétroéclairé dedans. Parce que pour le ça coup, serait bien. Ouais. Ça serait bien. Je regarde régulièrement voir s'il n'y a pas des trucs comme ça qui pop. Comme on a dit, la console faisait donc horloge et réveil grâce à une batterie au lithium CR2032, les fameuses. Elle faisait l'horoscope. Et avec 2 piles AA, la console tenait une 40 heures. C'est magnifique. Ah, c'est vénère. Ouais. C'est une console magnifique. Et à collectionner aussi, c'est magnifique. Mais oui, moi j'ai toujours rêvé d'en avoir une. L'objet est super joli en plus. Ah, d'ailleurs, moi je remercie Orgerich qui m'a permis d'en avoir une. Relativement correcte, en boîte, quasi neuf. Et ce qui est drôle, parce que tu vois, les jeux de baston en Chine, ils sont super réussis en plus. Il y a du Metal Slug aussi. Ouais, très beau Metal Slug sur console. On a oublié de parler d'un jeu que j'adore sur Neo Geo, qui est le Neo Turf Masters, jeu de golf. Ah oui. Exceptionnel, et qui est aussi sur Neo Geo Pocket et qui est très très bien. C'est bien. Et rapidement pour signaler sur Neo Geo Pocket, donc des jeux particuliers. Un tout petit truc vite fait. On parlait de rétroéclairage. Le rétroéclairage marche. Enfin, apparemment, c'est pas un backlight, ce serait un frontlight comme Game Boy classique et sur la Game Boy Pocket. Ça marche sur la Game Boy, sur la Neo Pocket, pas sur la Color. Voilà, j'ai regardé là où j'ai l'habitude d'acheter mes trucs pour l'éclairage Game Boy. Ouais. Je disais, il existe un épisode exclusif du Shoot'em Up Cotton sur un Neo Geo Pocket Color. Ah, Cotton, oui. Il existe donc un Sonic, exclusif Sonic Pocket Adventure, qui reprend les graphismes de Sonic 2 Mega Drive avec des niveaux totalement différents et des pièces de puzzle à collectionner en plus pour vous encourager à fouiller les niveaux, ce qui est encore mieux. Et si vous avez vraiment vachement pas peur de rien, vous avez un Densha Dego aussi. Simulateur de train, donc bon, peut-être pas finalement. Non, mais disons que pour la collection, effectivement, c'est une console qui est agréable à collectionner. Voilà, c'est sympa, sachant que le problème avec les jeux européens, c'est que complet en boîte et notice, c'est un peu cher. Et les boîtes japonaises sont magnifiques, juste comme ça. Là, tu veux dire, attends, j'ai pas entendu, les jeux coûtent cher, Neo Geo Pocket ? Les jeux en loose, ça va encore. Des jeux complets européens, ça commence à être compliqué. Parce qu'il n'y en a pas énormément aussi. Et vous dites, toi, t'en as alors du jeu Neo Geo Pocket ? J'en avais, j'en ai plus. Donc là, j'ai racheté la console, mais le problème, c'est que quand tu rachètes une console maintenant, les prix de maintenant. Sachant que la console n'est pas zonée. Hein. J'allais te poser la question. Tu peux trouver des petits jeux sympas relativement. Oui, mais après, comme j'aime les boîtes, c'est vrai que je préfère. Les boîtes sont magnifiques. Tant qu'à faire et pour la Neo Pocket, c'est de privilégier aussi les jeux sortis aux US, tant qu'à faire, histoire d'avoir les assorts que. Comment dire, histoire d'avoir tout ça correctement en anglais, que vous puissiez lire, surtout pour les notices. Bon, après, il y a plein de jeux qui sont négligeables, hein, mais il me semble. Ah putain, Sonic Adventure, il a augmenté de prix tant que ça. Oui. Oh la vache, ça pique, je serais plus. Je l'ai sans boîte, celui-là, mais je suis content de l'avoir. Waouh, wow. C'est une versus Capcom, ça pique comme ça. Je veux dire que j'ai pris 50 balles. J'avais le Metal Slug, c'était quoi, le First Mission, First Squad? Oui, bah, j'ai les deux même. Ta First Mission et le second, c'est. Enfin bref, second, je sais plus quoi. Donc après, oui, la Neo Geo Pocket, t'as collectionné ça. L'autre petit détail par rapport à l'autonomie aussi, c'est que donc je vois la console est sortie pour $70 aux États-Unis. Ah ouais, ça pique. Ouais. Donc là, c'était. Enfin... Mais c'est une petite console vraiment mignonne. Moi, j'aimerais bien. Ben, bonne prise en main, elle est, voilà. est belle. Il y a plein de modèles japonais différents, mais vraiment. Ouais. Après, il y en a qui coûtent des blindes, oui. dont un spécial baseball que Charles Gurich, mais qui coûte tellement cher que c'est, ouais. vous l'oubliez. Et bien, toi, tu l'as, là, c'est... Oui, j'ai, alors après, j'ai de la noire et blanche, j'ai de la color, j'ai de l'européenne, j'ai de la jaune. Il existe des espèces de cartes compilation non officielles pour la Neo Pocket, qui peut être éventuellement un bon deal si vous trouvez ça. Ouais. Et il existe aussi une flash carte apparemment sur laquelle on peut mettre les jeux à la fois. Ouais. Donc, éventuellement, c'est un truc qui peut s'envisager. Il y a donc tous les jeux de baston qui sont sympas. Il y a même... comment il s'appelle le jeu de baston avec tous les personnages féminins? Ah merde. Gal Fighter, un truc comme ça, non, c'est pas ça? Oui, ça doit être ça, oui. Je crois. Oui, t'as même un jeu de cartes aussi. Oui, je l'ai. Le jeu de cartes. SNK versus Capcom, ouais. Qui est rigolo. Je l'ai aussi. Honnêtement, c'est rigolo. Je l'ai aussi, par contre, je sais plus deux, si je l'ai. Il y a deux itérations, l'itération oui. SNK et l'itération Capcom. Ouais, exactement. Je me souviens plus laquelle des deux versions j'ai été. Mais je sais que j'en ai un en loose. Seconde mission s'appelle tout ça. Seconde mission, d'accord. Non, mais Gal Fighter, ouais, c'est bien ça aussi. Pour en terminer globalement avec la. Pour en terminer globalement avec la Neo Geo. Donc juste pour revenir à la Neo Geo de base qui est sujet ce soir, si vous souhaitez jouer à la Neo Geo, bon, il y a des jeux qui sortent sur la console virtuelle de la Switch à l'heure actuelle, pas mal à l'unité. Le meilleur moyen, le moins onéreux évidemment, c'est l'émulation. L'émulation est quand même très performante. Enfin, n'importe quel émulateur même aujourd'hui est capable de lancer parfaitement les jeux. Je pense que Winkawax aussi le fait très bien. Totalement. Je voulais préciser un truc là-dessus. Alors, Recalbox, sur Recalbox, on peut. Tu peux choisir le corps de l'émulateur. On peut y jouer. C'est que aussi, il y a aussi le fait qu'il y ait énormément de compilations qui regroupent certains thèmes de jeux Neo Geo. Ça, c'est pour toi. Alors, il y a J'ai mis un lien dans le chat justement pour que vous voyez une collection, une console de collection Neo Geo spéciale avec le prix qui va bien. Voilà, et donc il y avait Metal Slug qui était ressorti en compilation. Donc, ouais, c'est dur. Il y avait les Samurai Shodown qui étaient sortis Samurai Shodown, sur Wii que j'avais eu aussi. Il y avait les King of Fighters dans la Orochi Collection, je crois. Il y a eu énormément de collections de compilations de jeux Neo Geo par thème et par série. Voilà. Et malheureusement, ils n'ont jamais fait ça pour les jeux de sport. Également, juste pour préciser, parce que bon, on n'en a pas parlé du tout, il y a des légères différences lorsque vous achetez une Neo Geo japonaise et une Neo Geo occidentale, où donc nous on a eu droit à quelques petites censures, que ce soit du sang qui disparaît ou des boobs qui s'arrêtent de bouger. Coucou Mail. Le Unibios. Donc là vous avez une backup strat aujourd'hui qui s'appelle l'Unibios de l'ami Razula. Donc Razula, si vous ne connaissez pas ce monsieur, c'est quelqu'un qui est à l'origine de l'émulateur Nebula, qui était très très populaire en début des années 2000 pour la Neo Geo CPS1 et CPS2. C'est un monsieur qui a traîné beaucoup dans tout ce qui a aidé beaucoup à rendre disponibles les tables de décryptage des jeux CPS2. Donc à rendre l'émulation CPS2 possible, et c'est lui qui est à l'origine de l'émulation du CPS3 sous mail. CPS3, non, je dis des bêtises, du modèle 3 de Sega. Je l'ai tout dit. C'est l'autre. Voilà. Donc sur le coup, il a également sorti un BIOS qui s'appelle l'Unibios. Si vous remplacez le BIOS original de votre Neo Geo par cet Unibios, vous allez pouvoir choisir la région de votre console, mais également lui dire si c'est une console d'arcade ou une console maison. Et en plus, vous allez pouvoir utiliser des shetcodes exactement comme si c'était une Game Genie. Reprenons s'il te plaît. Les shetcodes. Les shetcodes. Tu connais pas les shetcodes? Ah, c'est les shetcodes. C'est SNCF. Wesh. Pardon, donc, je m'excuse. Évidemment, bon, si vous ne savez pas manier un fer à souder, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Mais si vous connaissez quelqu'un qui peut vous le faire, c'est vraiment un très bon moyen d'upgrader sa console. Et ça marche aussi avec les slots MVS. L'Unibios aussi soulève sur du slot MVS. Et donc, pour un dernier petit mot concernant les gens qui voudraient collectionner des jeux, le gros problème majeur avec la collection de jeux Neo Geo aujourd'hui, c'est, ce sont d'une part les conversions et d'autre part les reproductions. Ah, ce n'est pas la même chose. Alors, et, alors, des bootlegs, surtout, surtout Metal Slug. Ah, mais non, mais je veux dire, Metal Slug 1, ouais. Alors, je vais faire un vrai distinguo. Il y a des bootlegs, donc des bootlegs, des reproductions, où le but du jeu, c'est vraiment de reproduire une cartouche en entier. Et il y a des conversions. L'idée de la conversion, c'est de dessouder une puce dans une cartouche MVS et de la souder dans une cartouche AES. La conversion est plus noble dans l'idée parce que c'est la ROM originale qu'on met dans une cartouche AES. Oui, le problème de la conversion, c'est que il faut sacrifier une cartouche AES existante. Ouf. Bah oui. Pas bien, en fait, pas c'est ça. Pas, hein. C'est pas très bien. Voilà. Quand tu vois que minimum, c'est quoi, 50-60 euros hein. Voilà, c'est pas très très bien. Par contre, bah, sur le coup, un bootleg, bah, c'est une fausse cartouche. Et le truc, c'est que plus, autant... Autant en acheter en connaissance de cause, vous savez ce que vous achetez, vous savez combien vous le payez, autant il y a beaucoup de gens qui vont tenter de faire passer évidemment des fausses cartouches pour des vraies. Mais le problème, c'est celui qui s'est plus fait copier. Metal Slug qui est un des plus rares, forcément, et des plus compliqués à trouver original. Et le souci avec les jeux Neo Geo, c'est que pour les jeux rares et onéreux, il existe très peu de moyens de comparer, parce que avoir deux exemplaires ou en avoir déjà vu un exemplaire original pour pouvoir dire que celui que vous avez entre les mains est vrai ou est faux, quand on n'a jamais vu de cartouche originale ou quand on n'a jamais eu entre les mains, c'est surtout qu'aussi ça a une ampleur énorme. Quoi. Je veux dire, c'est un vrai fléau hein, sur Neo Geo. Il faut faire gaffe. Quoi. Enfin, y a des magasins qui continuent à vendre des bootlegs. C'est, bah oui. C'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué. Ça dépend du sérieux des magasins, ça dépend de l'implication. Non, mais c'est même pire. Ça dépend de l'implication des magasins. C'est les magasins, pour eux, la copie, la contrefaçon n'existe pas. T'en as d'autres qui sont un peu plus vigilants et qui se disent, je n'ai pas envie de mettre en jeu la réputation de mon magasin, donc je vais me renseigner pour, les repérer. Oui, oui, je sais qu'il y en a qui... T'as des magasins, eux, ils se disent, moi, ce qui m'importe, c'est le pognon que je rentre dans ma caisse, le reste, tu t'es fait avoir, c'est mon problème. Voilà. Ouais. J'en connais. Moi, je peux citer un magasin où j'étais allé sur Bordeaux, un des caches de Bordeaux, il y a quelques années, bon, c'était il y a 7 ans peut-être, qui avait rentré dans une Neo Geo avec des jeux et un adaptateur Phantom, et qui avait mis Metal Slug à plus de 1 500 euros, je crois. J'étais arrivé dans le magasin, je leur ai dit, c'est la version MVS. Et le type, il m'a regardé, il m'a dit quoi? Mais je lui ai dit, c'est pas la version AES, il vaut pas 1500 euros. Ouais, il vaut que dalle en MVS. Enfin, que dalle. Et, bah, voilà, c'est exactement ce que tu dis ici, ils ont pas envie. Hein. Ils ont pas envie. Ils s'en foutent, s'ils ont envie de vous baiser. Voilà. 45 balles sur MVS, cartouche seule. Voilà. Ouais, non, c'était une MVS avec une boîte reproduite et tout bien faite, mais c'était pas la version AES. Là, bon. D'ailleurs, on peut parler des adaptateurs MVS AES qui permettent de brancher des cartouches MVS sur ta console. On en a parlé vite fait tout à l'heure, je pense. Comme le Phantom qui permet de faire ça. Alors, on disait que justement le Metal Slug coûtait moins cher en MVS, tout, mais il y a l'effet inverse aussi des fois. Hein. Des MVS qui coûtent plus cher que des jeux AES. Ça existe. Mm-hmm. Ou des jeux MVS qui ne sont pas sortis en AES, donc forcément qui coûtent cher aujourd'hui. Ah, bah oui. Le truc, c'est que globalement, pour se mettre à collectionner la Neo Geo, c'est un budget énorme. C'est un budget bien plus important qu'aujourd'hui se mettre à collectionner même de la Super Nintendo, malgré les tarifs qui ont augmenté sur Super Nintendo, c'est incommensurable. Je parlais tout à l'heure que je rêverais d'avoir un Viewpoint. Un Viewpoint européen complet aujourd'hui, c'est combien? 800, 900 euros? C'est pas plus. Moi, je voudrais l'Asbel 2 et Twin Gear Star Sprite. Ouais, bah, elle est plus chère. Je crois que je ne peux jamais. Non, enfin, le plus cher, c'est Marteau de Vauvol. Je crois que c'est du délire. Quoi. C'est... Ouais, tout est plus cher. Tout à l'heure, je vous dis une grosse connerie. C'est Spin Master que j'ai eu et non pas Twinkle Star Sprite. J'ai revoir la boîte, je me disais aussi. Quoi qu'il me semble qu'il n'est pas donné aussi Speedmaster. Non, mais si vous voulez connaître, c'est ça pour la Neo Geo Pocket. Il y a plein de façons de jouer à la Neo Geo aujourd'hui. Essayez les jeux, mettez-y dedans. Replacez dans le contexte, vous dire que les jeux auxquels vous jouez, c'était, on était, voilà, les gens, ils étaient hypés par la 3D, la PS1 à l'époque. Et ça, ça sortait. Et c'était l'espèce de quintessence de la 2D, de tout ce que nous, on essaie de transmettre aujourd'hui, et cette époque qui nous a marqué. Les jeux auxquels on a joué dans notre enfance. Faisait la comparaison avec. Faites la comparaison avec la Super Nintendo, la Mega Drive d'époque. Alors, ok, là, je veux dire, il n'y aura jamais sur Neo Geo, vous ne trouverez pas de Final Fantasy VI ou de Chrono Trigger ou des jeux comme ça qui vous impliquent complètement dans une histoire. Vous ne trouverez pas de jeux de plateforme aussi fin qu'un Mario ou qu'un Sonic. Mais c'est l'emblème d'une époque, c'est l'emblème de l'arcade, c'est l'emblème de la toute puissance de ce hardware d'arcade qui était à l'époque financièrement presque inaccessible pour la plupart des gens. Ouais. Et c'était ça l'arcade à la maison. C'était pas Sega, essayez de vous voir. Une chose, on n'a pas parlé vite fait, peut-être, qui à mon avis est peut-être, je dirais pas essentiel, mais c'est important. Vous voulez jouer avec le vrai hardware Neo Geo sans trop. Vous ruinez, bien sûr, ça va coûter cher. Les MVS consolisés où vous achetez un Super Gun et un slot 1 ou 2, MV1F, je crois, ou MV2F, enfin bref, des slots relativement bon marché. Vous achetez une cartouche où il y a tous les jeux dedans et vous vous faites pas chier. C'est à mon avis, si vous voulez jouer sur le hardware. Cette solution-là est bien, mais voilà, ça nécessite d'avoir aussi un écran lequel jouer avec du Apple Intel. Et. Au niveau fragilité, c'est... Oui, bien sûr. Voilà, ouais, mais... pas comme des bourrins avec des trucs comme ça. Voilà. Voilà. Pour être transporté, quoi, au départ. On a pire, hein, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais la Neo Geo X, jamais. Ah ben non, j'en ai eu une. Jamais. Je n'ai pas gardé longtemps, c'est pas bien. Voilà, on ne va pas en parler plus longtemps. Neo Geo X, c'est non. Mille fois non. Jamais. Point final. pour d'ailleurs énormément de raisons différentes, mais non, c'est vraiment pas bien. Parce que c'est pas bien ou parce que... Non, parce que c'est vraiment pas bien. Ils ont fait n'importe quoi. Ouais. C'est fragile. C'est de l'escroquerie. C'est en 16/9, l'émulation est pauvre. Oui, c'est d'ailleurs. Quand on voit le prix des ROM, parce que ce sont des ROM à escroquement. C'est des ROM qu'on voit dans une carte SD qui est un peu modifiée. Voilà. L'émulation est dégueulasse. Mais vraiment. Ah, faut dire aux gens, quoi. C'est pas SNK qui s'en est occupé. C'est une boîte tierce. Donc, à partir de là, c'était pas. Ah oui, bah, et justement, tu soulèves un truc, c'est que ça y est, c'est plus SNK Playmore, maintenant c'est SNK tout court. Oui, ils sont redevenus. Par contre, on va attendre de voir ce qu'ils vont faire. Bah oui, c'est tout récent. Rien. ils sortent encore un Fighter, non ? Bah, je sais pas si on a véritablement de nouvelles par rapport qu'ils ont repris leur nom. Bah aujourd'hui, on a eu le nouveau personnage pour King of Fighters, le dernier, là, déjà. Il y a une news aussi le mois dernier où il promettait d'aller... Il y a aussi une news le mois dernier où il parlait de développer plus de jeux sur Switch. Oui. Ça, j'avais entendu. Mais c'est vrai que pour... Après, SNK Heroine, Tag Team Frenzy. Oui, effectivement. Oui. Mais bon, ça, voilà. C'est peut-être pas le truc qu'on attendait venant de SNK. Ouais, puis pour le coup, ça reprend un peu le moteur de KOF 14 qui est pas la folie furieuse. Après, non, que ça redevienne SNK pour les gens de notre génération, oui, c'est un plaisir. Le jeu est bon quand même, hein, KOF 14, même si ouais, le moteur est 3D. Moteur. Alors Fury, par contre, tu dis quand même un peu du caca. Les seuls trucs qui sont bien que la Neo Geo X, c'est les sticks. Non, même les sticks, t'oublies. Ouais, mais c'est pas les sticks d'origine. Ça. C'est pas les sticks d'origine, puis tu vois que c'est fait, tu vois que c'est vraiment cheap comparé. Bah en plus c'est une firme chinoise qui a fait la Neo Geo X. Hein, j'en ai une, donc pour le coup je sais un peu de quoi je parle, c'était vraiment pas bien. Donc non, les enfants, ne vous laissez pas tenter, s'il vous plaît. Ou à la limite, la solution de facilité, si vous voulez bidouiller un peu, vous voulez une solution externe pour jouer sur un écran de télé, pas jouer le QVC de votre chaise de PC, vous achetez un stick arcade de l'époque 360, donc genre un MatCads, un TE ou une connerie comme ça, un petit Raspberry Pi 3 qui va bien, un petit Recalbox, et puis Bloom, voilà, on joue dans son canap avec un bon stick arcade qui va bien et qui va pas vous péter à la tronche. C'est une solution qui s'envisage facilement. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? J'espère, moi, que tu as repéré mes efforts depuis 10 minutes pour tenter de boucler le sujet principal pour donner la parole. Mais on a remarqué les efforts de Moa pour parler et relancer les sujets pour éviter. Ah bon? Bah non, mais moi, si les gens ils disent des trucs, on dit des trucs, enfin, c'est pas grave. Non, c'est... on rigole, moi. Bah non, mais parce que. Et donc, voilà. Est-ce que tu as. Allez, on a le temps, on est fou, puis on rallonge. Oh, allez. Bon, est-ce allez, que tu as envie, mon cher Moa, de nous raconter un jeu, la fameuse rubrique permanente qui ne l'était plus depuis quelques mois? Aidez-moi, on l'a plus. Non, tu dis ça, ça fait combien d'années que tu l'as pas fait? Oui, c'est vrai, en plus. Dans 15 jours, c'est à toi. Non. Non. Si, on verra ça après. Allez, Moa. Non. Mais surtout que moi, ça reste d'être rapide en vrai, donc voilà. Donc la rubrique Parle-nous d'un jeu revient, fait son grand retour, et promis le prochain podcast, s'il y en aura une, peut-être. Alors, je vais pas tant vous parler du jeu que de ce qu'il représentait pour moi, en fait. Hein. Je vais essayer d'apporter un nouvel angle à cette rubrique, on va voir. Donc tu vas nous parler des FF15, non? On est en 2016. On est en donc avec Noctis, bien sûr. On est en 99-2000, enfin voilà. Et mes parents décident, peut-être parce que j'insistais, j'en sais rien, mais d'acheter un ordinateur, un PC à nous. Donc ça se fait, mon père il fait des devis et tout, on achète un truc de ouf, et du coup bah on a un PC, bien sûr pour faire les leçons, mais surtout pour jouer à des jeux vidéo. Donc je me mets en quête de jeux vidéo sur PC, et le premier jeu que j'achète sur PC, c'est pas celui dont je veux vous parler, mais juste pour vous situer le contexte, c'est Rayman 2. Voilà, donc Rayman 2, qui est un jeu, ma foi, excellent. Jeu de plateforme 3D, je vous le conseille, hein, d'ailleurs, il est sorti sur tout plein de supports, donc c'est pas très difficile de jouer à Rayman 2. Mais quand je finis Rayman 2, je me dis, bon, bah ok, c'était super cool, mais bah j'aurais pu y jouer sur 64 ou PlayStation ou n'importe quoi. Donc je me disais, bon, le PC, je pense, il y a moyen d'avoir d'autres trucs. Et je me mets en quête de jeux où vraiment c'est des jeux PC, quoi. Tu peux pas y jouer ailleurs. Et je tombe dans un bac du Leclerc sur une grosse boîte, les grosses boîtes de jeux PC. Vous voyez, trois jeux dedans avec écrit dessus Free Space. Et je me dis, ouais, c'est l'espace, c'est beaucoup trop bien. Et donc je le prends. Et on parlait le dernier podcast d'un jeu qui s'appelle Descent. Oui. Gerbo, machin, tout ça, mais très bien. Mais il se trouve que Free Space est un spin-off de la série Descent. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Et alors, et c'est là où non, ça part mal, mais en fait, le jeu m'a mis une grosse claque. Mais vraiment, la grosse claque. Parce que t'as été malade? Free Space, c'est un jeu, en fait, c'est un simulateur de combats spatiaux. Mais quand je dis simulateur, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour moi, mais pour quand le jeu est sorti aussi, c'était un truc de malade. Tu avais ton vaisseau, tu avais donc toutes les commandes pour mettre les gaz, pour freiner, ralentir et tout. Tu avais le bouclier de ton vaisseau, tu avais la coque de ton vaisseau qui avait son intégrité. Tu pouvais changer les armes, donc des mitrailleuses, chercheuses, mitrailleuses. Enfin, tu pouvais vraiment faire tout ce que tu voulais avec ton vaisseau. Tu étais dans un espace en 3D complètement intégral. Tu avais donc des combats qui étaient vraiment très dynamiques, très rythmés. C'était... On parlait aussi de Star Fox, Star Fox 2, mais Free Space, il défonce Star Fox 2. Il défonce Star Fox, il défonce tout ce que tu as vu jusque-là. C'était un truc de ouf. Le contexte, c'est quoi? On est des terriens, au 24e siècle, je crois, je n'ai plus les dates en tête, mais c'est dans longtemps, on ne connaîtra pas, nous. Donc au 24e siècle, on fait la guerre contre une race extraterrestre, hein, forcément. Donc voilà les premières missions, t'as l'histoire qui se développe. En plus l'histoire elle est assez sympathique, l'histoire qui se développe et tout. Puis au bout d'un moment forcément il y a la troisième race d'extraterrestres qui arrive et qui commence à défoncer la gueule de tout le monde. La base, hein, dont un vaisseau énorme qui s'appelle le Lucifer, mais qui, enfin visuellement le truc c'était vraiment, c'est grand. un grand vaisseau énorme. J'étais là, mais j'ai fait, mais c'est pas possible. Là, j'avais vraiment l'impression de jouer à un jeu PC, de jouer à un jeu que les consoles, jamais de la vie, jamais de la vie, il y aurait ça sur une console, quoi. C'était pas possible. Et il y avait des effets, notamment les explosions, c'était un truc de fou. Enfin bref, voilà. Et ce petit jeu Free Space, du coup, bah, il était dans une, comme je disais, dans une boîte parce qu'il avait une extension et il a eu une suite Free Space 2 que j'ai jamais pu lancer parce que mon PC, il ne faisait pas tourner. du coup, c'est triste. Mais le premier, il était. Enfin voilà, moi c'était une grosse expérience, quoi, vraiment. Je pourrais pas le décrire autrement. En termes de gameplay, bah, ça peut paraître très simple maintenant, hein, tu avances en 3D, voilà, et c'était pas Gerbotron à la Descent, parce que... Est-ce que j'allais te demander, en fait. Mais alors, pour enseignement, le jeu a perdu son... aux États-Unis, il s'appelle Descent 2. Free Space The Great War. The Great War, yeah. Et en Europe, il a perdu le Descent. S'il s'appelait soit Conflit Free Space The Great War, soit juste Free Space. Voilà. C'est vrai que t'es pas obligé de savoir que c'était. Et pourquoi il a perdu. D'accord, moi je connaissais pas. Pourquoi il a perdu le Descent? Ben parce que c'est pas un jeu à la, bah, à la Descent Forsaken ou je sais pas quoi, à la très nerveux, très vif, très. Très. Tu tournes la souris de 3 mm et ton perso il a fait 4 fois le tour sur lui-même. Non, non, justement, c'est un jeu qui est plutôt calme et posé. Et qui peut être parfois assez contemplatif. Enfin, on va avoir des missions, on va traverser des champs d'astéroïdes ou autres. Voilà, il est tranquille. Et sachez-le, mes petits amis, Free Space est disponible sur Steam pour la modique somme de. Alors la dernière fois que j'ai regardé, c'était 5€. Ça va. Il y a Free Space et Free Space 2 aussi. Et la musique. Et je vais peut-être musique. Musique, c'est bah tu vois, je les ai oubliés. Donc je pense que. Ouais, bon d'accord. C'est un bon navigateur. Si vous allez sur Game Rankings, le jeu a un peu plus de 80%. Ouais. Mais c'est un bon. Bah, parce que voilà, c'est un bon jeu. C'est un vrai bon jeu. C'est un vrai bon jeu. Et voilà. Donc voilà, je parle pas trop du jeu parce que enfin maintenant ça peut paraître classique tout ce qu'il y a, mais c'est vraiment personnalisation du vaisseau, on est en équipe, la visée dans l'espace, donc c'est-à-dire le classique quoi, il faut pas tirer, enfin même dans tous les jeux d'avion, hein, ne pas tirer sur l'ennemi mais là où il va être, et on a un réticule qui permet de gérer justement prédire la trajectoire de l'ennemi et tout, enfin ce genre de conneries quoi, et on a un vrai sentiment d'impuissance quand la troisième race extraterrestre arrive vraiment, tu vois, où ils sont vraiment forts et ils détruisent vraiment ton gros vaisseau base dans une explosion que je m'en remets toujours pas d'ailleurs. Un effet spécial de ouf, quoi, tu fais waouh, ah bon. Enfin voilà. Et ce jeu, je vous le conseille vraiment. Et surtout, depuis qu'il est sorti, que je sais qu'il est sorti sur Steam, je vais sans doute peut-être le racheter et peut-être me le refaire dans mon coin. Parce qu'il m'a laissé un grand souvenir. Mon premier vrai jeu PC, donc. Putain. Ça, c'est américain. Ça mérite un jeu en stream, ça. Je sais pas, parce que, comme je dis, le rythme est très posé. Tu joues à FF15, qu'est-ce que tu peux perdre de plus? C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il s'amuse sur FF15, parce qu'il s'amuse, il me l'a dit. C'est vrai. Je suis pas certain d'avoir employé ces mots-là, mais j'ai juste entendu, c'est un jeu de merde. Le type qui était à la caméra, il devait pas être là quand il a décidé de le faire. Je t'ai entendu. Ah bah alors. Tu m'as menti. Non. Je dis de FF15 que il y a plein de trucs qui déconnent, mais que bizarrement j'ai envie de continuer à y jouer. Ouais, ça nous a tous fait ça. Hein. Voilà. Parce que ça m'est arrivé aussi, hein, mais ça n'empêche que. Voilà. Mais après, voilà, je sais pas. Mais par contre, le Free Space, par contre, là, c'est. Vous pouvez y aller. Bon, c'est sûr, je pense qu'il a mal vieilli. Je pense que ça fait partie des jeux qui ont mal vieilli. Mais bon. Mais je sais pas si le jeu a pas. Parce que moi, il m'a énormément marqué, mais je sais pas s'il a pas. Je sais pas, jalonner l'histoire des jeux de simu PC comme ça, simu spatial. Bah lui et sa suite ont eu apparemment de très bons accueils critiques à l'époque, donc. Parce que ouais, ouais. Mais moi j'avais découvert dans les années début 2000, je pense, Mais je crois qu'il était sorti bien avant, enfin deux ans avant, deux, trois ans avant. Hein. Puisque moi, c'était déjà dans une compile. Ouais. Dans une boîte de céréales. Les grosses les boîtes. Vous savez, les vieilles boîtes blanches dégueulasses, là, avec plein de jeux. C'est des big box. Oui, oui, oui, big oui, mais là, c'est une big box, mais compile. Donc, c'était l'artwork, il est nul. Enfin. On pourrait parler des jeux PC, les vieux jeux PC, d'ailleurs, dans une chronique. Il y aurait des trucs à dire, je pense. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que je regarde la jaquette US, c'est vraiment par les créateurs de The Descent. En France, c'était pas ça. Hein. Okay. Bon, mais sur le coup. Merci, moi. Voilà. Ouais, parce que voilà. Oui, oui. Il y avait un mode multi aussi, je ne l'ai pas dit. Il y avait un mode multi sur Internet. Ça rigolait en 56K. Pas. Donc en 56K, j'ai jamais testé parce que moi je savais même pas qu'Internet ça existait. Donc... Avec 200 millisecondes de ping. C'est surtout qu'à l'époque, si tu testais, tu payais du téléphone. Ah oui, non, mais puis je te dis, moi je savais même pas qu'Internet ça existait. Donc... J'ai bien dit 200 millisecondes de ping, pas vert. Hein. Ah oui, oui. Oh bah oui, en 56K, oui. Et encore 200 millisecondes, c'était quand il faisait beau hein, et qu'il pleuvait pas trop. Hein. Donc, Whipple, tu voulais dire quelque chose? Tu as eu une. Ouais, non, de parler de Galgun. Non, il décède. D'accord, t'as rien. Non, rien du tout, c'est que, à part que j'aurais pas imaginé ce jeu-là. Je voyais pas, moi, parler d'eux. Ah, mais non, mais je vous avais dit que vous alliez pas comprendre d'où ça vient. Ouais, ouais. Je vous avais prévenu. Mais vous attendiez un jeu de merde ou un truc comme ça. Et ben non. C'est pour ça qu'il entretient le mystère autour de lui, pour pouvoir mieux le suivre, moi. Exactement. Oui, mais tant que Petite Pelle entretient le mystère. 37 podcasts et il nous surprend encore. Et, ouais. Et puis aussi, j'ai voulu en parler parce que je crois qu'on n'a jamais parlé de jeux PC. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas particulièrement des joueurs PC. Après, je pourrais parler de jeux PC aussi parce que j'en ai quelques-uns sous le coude. On est plutôt console. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. C'est l'occasion de parler d'un vieux jeu PC que j'ai aimé. C'est une bonne idée. En plus, c'est vrai que tu me fais rappeler certains jeux que je pourrais parler, effectivement. Donc, merci, monsieur Moore. Bon, ouais, sur le coup, on arrive à la conclusion de ce podcast. Je crois qu'on a fini, non ? Voilà. Je vais faire des réserves pour les streams. Attends, c'est bon. Tinober 9, c'est fini. Mega Man X7, c'est fini. C'est bon, c'est bon, au niveau jeu de merde, on est blindé maintenant, c'est bon. Mighty Number 9 est gratuit avec le PS Plus. J'ai essayé, j'ai eu mal, j'ai arrêté. C'est promis, je t'enverrai un exemplaire de chaque fou. Ça va aller. Et de. Comment ça s'appelle aussi Clay Fighter aussi. Mais pour le coup, Clay Fighter, j'aime bien, moi. J'aime bien. Non, c'est pas gentil. J'aime bien parce que j'ai un perso, je fais absolument n'importe quoi avec et je gagne tout le temps. Non, mais je veux pas. Je veux pas. Rise of the Robots. J'ai joué sur PC avec le clavier. Je laisse imaginer mon désarroi. Et à quoi t'as joué Rise of the Robots. Ah, merde. Oui. Ouais, donc, sur le coup, on va pouvoir donner rendez-vous aux gens dans deux semaines, normalement. Oui. Ça. Voilà. Un teaser de l'extrême, d'ici là, j'aurai goûté les céréales Mario et je vous dirai si c'est bon ou pas. Pourquoi tu les as pas goûtés en direct? Et moi j'aurais peut-être testé. Ça fait scrunch. Oui, voilà. J'aurais peut-être testé la manette 64 Ori qui était sortie à l'époque. Peut-être. Donc je pourrais peut-être faire un retour. Oui, ce serait bien, un test. Ouais. Mais là en fait je peux plus streamer la 64 et je peux plus jouer à 64. J'ai un problème de synchro sur un de mes câbles que j'avais résolu avec ma multiprise qui est top génial et tout. Et le problème, c'est que j'ai prêté mon matos pour le French Restream. Au passage, d'ailleurs, la semaine prochaine, donc à Poitiers, il y a la Gamers Assembly. Voilà, une grande LAN partie de France, ou un truc comme ça. Mais il y a plein de petites activités annexes, hein, notamment, donc, il y aura le French Restream qui fera une scène dédié au speedrun et au powerplay, donc si vous voulez voir des belles choses, vous pouvez aller les voir. Et donc voilà, j'aurais prêté un peu de matos. Tu vas faire un speedrun de FF15 ? Non. Au début, j'aurais pu speedrunner Mega Man X jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais devenu une merde au jeu. Du coup, bah, j'ai dit non, mais par contre, j'aurais prêté du matos. Il y aura des tournois de jeux vidéo un peu décalés, genre il y aura un tournoi Wii Bowling pour les personnes âgées, enfin ce genre de conneries. Ça peut être assez marrant. Là, ça peut être trop stylé, quoi. Il y aura ce genre de truc aussi à la Game Arts. Donc ça à Poitiers le week-end prochain, donc 31 et 1er avril. Et d'accord. Ça commence peut-être le vendredi après-midi, je sais plus. Voilà. Petit message promotionnel à caractère promotionnel. C'est bien. Donc je vais attendre que tu résoutes le câble pour t'envoyer un Superman 64, voilà. Il veut nous faire du mal, en fait. Alors. Oui. Il veut envoyer Superman 64, il nous aime pas en fait, monsieur Chou. C'est ça. Sachant que. Non, j'en parle pas maintenant. Allez. Ce sera la surprise. Ouais. Enfin, c'est une fausse surprise, hein, les gens sont déjà au courant, mais j'en parlerai quand ce sera plus. Okay. D'accord. Très bien. Bon, alors on te retrouve incessamment sous peu, moi, pour continuer à te battre contre la caméra dans les couloirs et essayer de chercher tes personnages derrière les arbres et les cailloux dans la 4-15. Alors, je ne bats pas contre la caméra dans les couloirs encore parce que je n'ai pas encore croisé de couloir, cela dit. Ah. J'en ai croisé quelques-uns, mais ce n'était pas gênant sur le moment. C'est un PNJ, le couloir, c'est ça? Mais non, oui, je vais continuer FF15. Mais tu fais bien en fait. Je ne sais pas pourquoi le jeu me déplaît pas alors que j'arrête pas de le critiquer. C'est ouf. Parce que tu ne sais pas encore ce qui va se passer. Bah, sans doute. Sans doute, mais sachez que moi, FF15, vu que je vais le faire un an et demi après tout le monde, qu'il y aurait eu tous les patchs. Ouais. Si ça se trouve. Ouais, toi, t'auras une version améliorée par rapport à nous, ce qu'on a eu. Ah, ouais, mais il est déjà amélioré, hein, ça c'est clair. Mais voilà. Et en plus. Moi, il n'était pas amélioré, moi. Hein. Ah oui, non, mais là, il a une version améliorée, c'est certain. Avec la possibilité de changer de personnage pendant les combats. Ah bon, on peut faire ça? Oh, merde, je savais pas. D'accord. Ah oh, bah alors. Il m'a pas dit de jeu. Hein. Il te l'a pas dit? Non. En même temps, il te dit pas son scénario, à partir de là, tu t'attends à quoi? Mais voilà. Je joue à God of War Ascension aussi. Hein. Oh. Ah, ouais. Ah oui, en prévision de ce qui va arriver là. Bah parce que sinon je pense que vu comme il s'annonce là le prochain, là je crois que j'y jouerai jamais à Ascension si je le fais pas maintenant. Il y a des chances. Ouais. Bon. Pour l'instant j'aime bien, hein, d'ailleurs. Ouais. Il est beaucoup critiqué cet épisode, mais moi pour l'instant ça va. Je sais pas. Ouais, pas il est agréable, c'est juste que le problème c'est que le problème c'est là où avait mis la barre le 3. Oui, je pense que ça, son problème c'est qu'il passe après le 3. C'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il passe après le 3. Ouais, je pense aussi. Bon, bref, on aura l'occasion de reparler du nouveau God of Dark Souls, de toute façon, qui arrive au mois prochain. God of Bloodborne. Vous n'aimez plus le jeu vidéo. En fait, vous n'aimez plus le jeu vidéo. C'est pas vrai, j'ai joué à un jeu rétro cette semaine. Burnout Paradise, vous connaissez? Faut qu'on arrête, on arrête parce que on est en train de perdre Monsieur Chou et on devient méchant là. Donc, bon, sur le coup, bon vent les amis. On vous fait des tonnes de bisous. Bonne fin de soirée, bonne nuit. C'était cool. Les chaudes, elle est sauvage déjà. Merci de nous avoir écoutés, merci aux gens du chat. Et puis bah, des bisous et à la prochaine. Et à dans 15 jours. Des bisous. Cool. Et au revoir. Yavin de Bilouk. My Hovercraft is full of ears. Voilà, on a fait une référence au Monty Python, on peut conclure. Au revoir.